C'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Véronique Mire nourrira notre besoin de connaissances dans sa Véronicopédie. Et on assouvira notre soif de fast-food dans une grosse boîte d'adresse. Assemblage requis commence tout de suite. Bienvenue à Assemblage Requis en ce jeudi 9 novembre 2017 à 169 jours de la fin de l'année scolaire. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Ouh. Là où il y a toujours quelque chose de spécial le jeudi matin. Hein? C'était un rack de journal, mais pas le bon journal Zone Campus qui avait devant la porte. Non, juste un rack vide devant la porte. Ouais. En mille morceaux. Bienvenue en studio. C'est ce comme bon, ça brasse le mercredi soir. Ce matin, tu m'écris, il fait l'ombre fraîche aujourd'hui. Hey, il faisait vraiment très froid. Là. Pourtant, il faisait 21 dans mon appartement. Ouais. Mais j'ai gelé. C'est ça, ben, j'ai écrit, qu'est-ce que tu fais dehors à 5h45 le matin? Je n'étais même pas dehors. Je venais juste, tu sais, comme, je marchais dans mon appartement. En fait, j'essayais de trouver mes pantoufles. Oui. C'est ça que je faisais. Puis j'avais les orteils gelés. C'est pour ça que tu fais un chien. Hein. Exactement. Chercher tes pantoufles. Ça sucre, ça sert! Tout à fait. Aujourd'hui, on a un petit plan qui a changé en cours de route. Malheureusement, on doit s'adapter à nos chroniqueurs des fois, surtout les mamans. Mm-hmm. Hein? On en a une, Stéphanie Paradis, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, malheureusement. On est triste. On est très triste, mais on a Véronique Mire qui s'en vient dans une demi-heure environ pour sa Véroniclopédie. Elle nous sort tout le temps un paquet de sujets des plus variés. Mm-hmm. Je me rappelle qu'elle a posté sur Facebook ces sujets. Oui. Je me rappelle pas d'être allé les chercher pour les mettre sur le site, par contre. C'est plate. Donc, Véronique Mire à 7h30. Ensuite, on va avoir ta chronique qui s'en vient plus tard. Ta nièce, Gonette, Tania, qu'est-ce que tu nous prépares? Bien, jeudi matin! Tour de l'actualité! Ce qui a retenu mon attention dans les divers médias. Mm-hmm. On va essayer de faire ça pas trop mainstream, mais évidemment, on va devoir faire un léger retour sur la nouvelle mairesse de la ville de Montréal. Ben oui, c'est sûr. Pas le choix. C'est toi qui as mis le rack devant la porte parce que tu voulais avoir tous les médias du monde, tous les journaux. Ça. Tu pensais qu'en mettant un rack là, ça allait attirer les journaux. T'as bien compris. Comme des frites avec des mouettes. Véronique Mire, j'ai cherché ces sujets. Elle nous parle de changement d'heure aujourd'hui, de rêves sucré-salé, de breuvage du matin bien-aimé. Qu'est-ce que c'est? Oh. Chocolat chaud, café, on sait pas. Journal intime ou pas et expression québécoise. C'est intriguant, elle écrit ses résumés de façon qu'on sait pas trop, mais ça nous donne envie de rester à l'écoute. Voilà. À la toute fin de l'émission, changement de plan là-dedans aussi, je vous avais annoncé quelque chose hier, ça va changer un petit peu, je vais même tricher, je vais même contourner les règles dans une grosse pointe d'adresse, même chez Robert. Ça c'est à 9h30 environ, autour de ça, plein d'autres affaires, mais on commence en musique, avec une pièce de Petit Pouni. Que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Au moins une semaine qu'on n'a pas entendu Pouni. Tu parles de Phoenix? Je te parle de Phoenix. Ouh là là, le petit Pouni! Tu l'as l'affaire. Hey, hein? Réveillé à matin. C'est un assemblage requis. Yeah. phénix. De petits poneys. On n'est pas capable de pas dire comme ça. Non, écoute, c'est impossible. C'est impossible. Le nom du bel, c'est juste pour Winnie. Petit pouni. Mais petit pouni. Il n'y a pas un film de pouliche qui sort en ce moment en plus, fait que là, tout le monde capable. Ah, je sais pas. Ouais, j'ai ouais. jamais trippé ces pouliches. Non. Non. Mais pourtant. Tiens, il y a bien des choses cute dans la vie, hein? On pourrait vous lister ça dans son foutu palmarès. Où on liste des choses dans un sujet plus ou moins précis. Qu'est-ce qui te fait rire, Tania? Un vidéo que je viens de voir et Mathieu, je te l'envoie en message privé. Tu vas voir, tu vas te bidonner si tu aimes bien Harry Potter. Oh, OK. Hey, justement, tu te rappelles... Oh, tu te rappelles, il y a quelques années de ça, ça fait vraiment longtemps, on avait parlé, je sais pas, je crois que c'était en ondes, il me semble, de la fausse, de la rumeur, en fait, qui disait qu'il allait avoir un Pokémon Go d'Harry Potter. Mm-hmm. Puis là, je t'avais démenti ça, déboulonné le mythe. Ouais. Ben finalement, la nouvelle est sortie hier. I know. Que là, ça semble pas vrai. Niantic, la compagnie qui travaille sur Pokémon Go, va sortir un jeu d'Harry Potter. Donc, surveillez ça, hein? Mm-hmm. Surveillez ça. On va revenir plus tard. Exact. Oui. Oh oui. Oui. Oh, aha. Aha. Exactement. C'est un petit cue sur ce qui s'en vient dans ta chronique, ça se passe. Un petit cue sur ce qui s'en vient dans ma chronique, tantôt. On a une thématique aujourd'hui, genre film, okay. Cinéma. D'accord. Alors, on va commencer avec 12 langues fictives dans les films et à la télé qu'on peut vraiment apprendre. Il y a plusieurs livres, mm-hmm. Films et émissions de télé qui se passent dans un monde fantastique. Ils ont inventé des langages là-dedans, des langages fictifs, mais tu peux les apprendre pour vrai. Par exemple, dans le roman de 1962, Clockwork Orange, l'orange mécanique, l'auteur Anthony Burgess a créé le langage du NADSAT, N-A-D-S-A-T, pour ses personnages adolescents qui utilisaient ça comme du slang à travers le livre, et plus tard dans l'adaptation de 1971 au cinéma. Le langage fictif, c'est essentiellement de l'anglais avec des mots empruntés aux Russes et aux Gypsies, avec quelques petites phrases enfantines aussi. Le NADSAT est dérivé du mot russe pour adolescent qu'ils ont emprunté du cockney et de l'allemand. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le NADSAT. Ensuite, le Elvish. Avant de commencer à écrire le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux, l'auteur et fan de langue J.R.R. Tolkien a développé le langage Elvish de Kenya et de Sandarin pour la Terre du Milieu. Le Kenya, Q-U-E-N-Y-A, est le langage des High Elves of Eldamar, alors que le Sandarin a été parlé par les Grey Elves of Telerin. Tolkien a basé l'Elvish sur le finlandais et le langage du pays de Galles, le gallois, c'est ça? Mm-hmm. Ainsi que d'autres éléments du grec et du latin. Il y a des exemples en passant des langues sur assemblagerequis.com. Je vous préserve vos oreilles ce matin en essayant même pas. Ensuite, le designer sonore de Star Wars, Ben Burtt, a créé le Hutties pour Return of the Jedi, le retour du Jedi en 1983. Burtt a dérivé ce langage-là d'un dialecte inca qui s'appelait le Quechua, Q-U-E-C-H-U-A. Un langage fictif, surtout parlé par Jabba the Hutt et ses collègues sur Tatooine. Plusieurs autres personnages parlent le Hutties, comme C-3PO, Anakin Skywalker et Watto dans Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, en 1999. Ensuite, évidemment, cette liste-là ne serait pas complète sans parler de Klingon. Uh-huh. Un petit peu créé en utilisant seulement quelques mots et quelques phrases, le Klingon a été utilisé pour la première fois dans Star Trek The Motion Picture, donc le premier film, en 1979. C'est devenu une langue complète 5 ans plus tard pour Star Trek 3, The Search for Spock. Le linguiste Mark Ockren a créé et développé ce langage extraterrestre à partir de mots inventés par l'acteur James Doohan, qui est celui qui jouait Scotty dans le film, le premier film. En 1985, Ockren, qui a aussi créé le langage vulcain, a plus tard écrit The Klingon Dictionary, qui inclut des prononciations, des règles de grammaire et du vocabulaire pour les espèces extraterrestres dans Star Trek. Il a vraiment travaillé fort. À travers les années, plusieurs pièces de William Shakespeare ont été traduites en Klingon, comme Hamlet et Much Ado About Nothing. Ensuite, le mignonnet. Oui, oui. Le mignonnet. Dans Détestable Moi, ou ceux qui téléchargent illégalement des films sur Internet, Moi, Moche et Méchant, qui est la version française de Despicable Me. Bref, le co-réalisateur Pierre Coffin a créé le Minionese pour le film animé et ses suites. Le langage sonne un petit peu comme du gros n'importe quoi ou comme des bébés qui parlent, mais Coffin, qui est aussi la voix des Minions, a emprunté ce mignonnet-là de d'autres langues comme l'espagnol, le français, le japonais, le tagalog, le coréen et l'anglais. Ensuite, le Parcel Tong. J.K. Rowling, là, je te parle, hein? Ouais, Harry Potter. Ouais. J.K. Rowling a créé le Parcel Tong pour sa série de livres Harry Potter. Pour ceux qui savent pas, c'est le fourche langue. C'est ce que je disais, là. Fourche langue. Fourche langue, okay. C'est le langage des serpents. Voilà. Donc, c'est le langage fictif. Oui, et tu l'as dit, les serpents et ceux qui peuvent le parler sont connus comme des Parcel Mouse. Donc, en français, les... Les... Oh, mon Dieu, je m'en souviens plus. T'es supposé être là pour moi, là. Ouais, je sais, je m'excuse. C'est la seule fois où tu peux vraiment me sauver, là, du Harry Potter, quand même! C'est pas ceux qui ont du sang de... Les moldus, là? Non. Non. C'est les sangs mêlés. Ah, oh! Me semble. Bref, c'est ceux qui sont les descendants des Slytherin, ça, c'est ça. C'est les... Les serpents... Les serpentards. Serpentards. Harry Potter est une exception à ça. Rowling a écrit un guide sur ça, là. Le Parcel Tong. Ah, il y a un guide là-dessus? Oui. Je le veux. Sur son site web Pottermore. Oh my God. Vas-y fort. Ensuite, le Lapine. Après le petit pony de tantôt, le Lapine. Oui. Donc, l'auteur Richard Adams a créé le langage fictif du Lapine pour son roman de 1972, Watership Down, et sa suite, Tales from Watership Down. C'est surtout parlé par les personnages lapins. Hein? Donc, ça vient du mot français, je te dirais, lapin, hein? Quand même. Ça ressemble à ça, c'est ça. Et il a inventé le lapin pas mal, le lapine, pardon, alors que les choses avançaient, il n'avait pas prévu ça à l'avance. Lorsque les lapins avaient besoin d'un mot pour quelque chose, il inventait un mot. Simple comme ça. Ensuite, on parle de Game of Thrones avec le Dothraki. Hein, le linguiste David J. Peterson a développé le langage Dothraki pour Trône de Fer de George R.R. Martin, sa série de romans fantastiques. Il a créé le langage pour les guerriers nomades avec une combinaison de l'arabe et de son espagnol, avec du swahili et de l'estonien mélangés ensemble. Présentement, il y a plus de 3100 mots Dothraki. Peterson a écrit Living Language Dothraki Conversational Language Course pour que les fans de Game of Thrones puissent apprendre et parler la langue. Wow! Ensuite, en... Merci beaucoup. En 2015, Khaleesi, Daenerys Targaryen, jouée par Emilia Clarke, la femme du Dothraki Khal, est devenue un nom très populaire pour les jeunes filles. Khaleesi, bien sûr. Ensuite, l'Alienese, hein, pour donner au monde du 31e siècle un petit peu plus de réalisme et de profondeur, le co-créateur de Futurama, David X. Cohen, a créé un langage extraterrestre nommé le Alienese, qui était surtout utilisé pour faire les graffitis sur les murs et pour les pancartes de magasins, pour faire des petites jokes pour les téléspectateurs. C'était une substitution de caractères, comme on fait des fois, bon, A, t'sais, 1 égale A, 2 égale B, etc., etc. Donc c'était un langage codé comme ça, que les fans pouvaient décoder pour avoir des petites blagues additionnelles. Ça a forcé les écrivains et les auteurs de Futurama à créer un autre langage nommé le Alienese 2, qui lui était basé sur des formules mathématiques beaucoup plus compliquées pour que les fans aient à travailler encore plus fort. Ensuite, le Mondo Shawan. On appelle ça le langage divin, Divine Language. Lilou, joué par Mila Jovovich, qui parle le Mondo Shawan, un langage extraterrestre dans le cinquième élément en 1997. C'est une langue limitée avec seulement 300 à 400 mots au total que le réalisateur Luc Besson a créé. Jovovich a dû mémoriser et raffiner la langue avant qu'on commence à filmer le film. À la fin de la production, par contre, Besson et Jovovich, oui, parlaient le Mondo Shawan, entre autres, l'un avec l'autre. Fort. Ensuite, le Atlantine. Disney a engagé le linguiste Mark Cochrane, le même que tout à l'heure pour le langage Klingon de Star Trek, pour développer une langue vivante pour Atlantis The Lost Empire en 2001. Il a donc inventé l'Atlantean comme langage mère pour les artistes du film, les auteurs. La langue fictive donc est dérivée de mots indo-européens avec un mélange de... celui-là, je ne sais pas, Sumerian... Le Sumérien. Peut-être. Et le langage nord-américain. Oakland a créé donc un système complexe d'écriture et de langue avec les scripteurs, les auteurs du film. Et puis l'alphabet a été créé. Et puis on a fait un script avec ça pour le film animé. Ensuite, et pour terminer, on fait cette liste-là, le Navi. James Cameron a développé Avatar. Tu te rappelles Avatar? Oui. Mmh. Pendant 15 ans avant de le sortir en décembre 2009. Pendant que Cameron développait ça, c'est la technologie en fait pour pouvoir faire ce film en 3D. Il a aussi amené le linguiste de l'Université du Sud de la Californie, Dr. Paul Frommer, pour aider à donc créer cette culture extraterrestre des Na'vi. Ils ont travaillé ensemble pendant plusieurs mois, créant une langue qui était un mélange d'éthiopien et de langage maori de la Nouvelle-Zélande pour développer un lexique de plus de 1000 mots. Depuis la sortie d'Avatar, Frommer a continué d'ajouter des mots et des règles grammaticales au Na'vi sur son propre site web pour que les fans puissent apprendre à parler le langage. Mm-hmm. C'est vraiment fou quand même comment on travaille fort pour quelque chose de fictif. On aime ça. 12 langues des films et de la télé qu'on peut en fait apprendre. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Ensuite, on change, on reste dans le cinéma parce que c'est la thématique d'aujourd'hui, mais on y va avec quelque chose d'un petit peu plus insolite. 8 films qui ont presque mis en vedette Keanu Reeves. Oh, d'accord. Bizarre, hein? Ouais. Bref, c'est pas, il est pas aussi polyvalent que d'autres acteurs, je sais pas, Al Pacino, Jack Nicholson, des acteurs comme ça qu'on peut voir dans plusieurs films qui sont très très différents d'un moment à l'autre. Mais quand même, c'est un acteur connu, c'est un acteur apprécié par certains, acclamé oui, par la critique, mais ouais. Ses films ont fait plus de, non, presque 2 milliards de dollars au box-office. Wow! Donc, quelques films qui mettaient presque en vedette Keanu Reeves. Commençons par X-Men en 2000. Ah, ouais? Ouais. Dans la version... dans la version hollywoodienne de l'univers X-Men, Hugh Jackman et Wolverine, bien sûr. Mais Jackman lui-même a été un remplaçant de dernière minute pour Doug Ray Scott. Hein? Et d'autres noms qui étaient connus en 2000 ont été considérés pour ce super-héros-là. Entre autres, Reeves. À l'ultime, c'est le studio qui a décidé d'aller dans une autre direction. Reeves était déçu, d'ailleurs. Il a toujours voulu jouer Wolverine, a-t-il dit, à MovieFone en 2014. Mais bon, ils ont choisi quelqu'un... ils ont choisi quelqu'un d'autre. Ensuite... il a failli jouer dans Platoon en 1986. Reeves n'est pas un grand fan de la violence. C'est pour ça qu'il a passé par-dessus le rôle qui a été joué au final par Oliver Stone dans ce classique du Vietnam. Keanu a refusé le rôle donc à cause de la violence, a-t-il dit. C'est Oliver Stone qui l'a dit, pas lui, pas Keanu Reeves. À Entertainment Weekly en 2011, il voulait pas faire de violence. Hmm. Ensuite, il a failli jouer dans The Fly 2 en 1989. Très peu de gens pensaient que Keanu Reeves serait le fils de Jeff Goldblum, qui était celui qui jouait dans The Fly. Là. C'est l'histoire d'un gars qui se transforme en mouche. Là. Oui. Hein? Bref, les producteurs étaient anxieux, voulaient absolument le voir jouer la prochaine génération du rôle d'insecte de Jeff Goldblum dans la suite de The Fly, mais Reeves ne voulait pas. Pourquoi? Il a dit à Movieland en 90 qu'il aimait pas le script. Ah! Le gars, c'est sûr que c'est assez difficile, hein? Il y a du goût. C'est ça. Ensuite, Speed 2 Cruise Control. Te rappelles-tu de la suite de Speed? Non. En 1997, très mauvais script là aussi. Reeves était prêt à reprendre son rôle de Jack Traven dans la deuxième partie du film de John Bond. Ensuite, il l'a lu. Il s'est fait offrir donc Speed 2. John est venu à Chicago et d'autres gens aussi en disant « Bon, tiens, voici ton film. » Il a dit « J'ai lu le script, je peux pas faire ça. Ça s'appelle Speed. » Et c'est sur un bateau de croisière. Oh boy. Ça se peut pas. Ouais. Speed, vitesse, clanche. Exactement. En français. Pourquoi est-ce que tu mets ça sur un bateau qui va super lentement? Oh boy. Bref, le studio lui a pendu un petit peu comme un cheval avec une carotte un chèque de 12 millions de dollars devant lui et il a quand même dit non. Il a dit « C'est impossible, je ne vais pas faire ce film-là, je m'en sortirai jamais. Vous allez m'envoyer au fond de l'océan et je vais jamais réussir à m'en sortir après ce film-là. » Donc, tu vois, le gars, vraiment, c'est il était... C'est pas fou comme pensée, là. Moi, j'apprécie de plus en plus Keanu Reeves. Ensuite, Keanu était supposé être dans Heat en 1995. Le fait qu'il a refusé de faire Speed 2 n'était pas super apprécié par les cercles hollywoodiens. Et ça a pas aidé non plus qu'il a passé le rôle de Chris Searles, le rôle de Val Kilmer, dans le film de Michael Mann, Heat, pour pouvoir passer un mois en train de jouer à Hamlet au Canada, au Manitoba Theatre Center. Au théâtre, oui. Et à partir de là, Reeves a dit au Telegraph que c'est difficile pour lui de booker des films. C'est l'histoire à Hollywood, hein, quand tu dis non à quelque chose, après ça, tu te fais un petit peu bannir ou tasser. Hein? Ensuite, il aurait pu jouer dans Bowfinger en 1999. Ah, oui? Ouais, c'est le film de Frank Oz, Bowfinger. Eddie Murphy était le gars qu'on voulait pour faire ce rôle qui est deux personnages différents. Le film n'a pas toujours été supposé être comme ça. En fait, Steve Martin, qui était la vedette et qui a écrit le film, a écrit le rôle de Kit Ramsey pour Keanu Reeves, avec qui il avait travaillé une décennie auparavant dans Parenthood. Lorsque Steve lui a donné le script pour Bowfinger, et c'était pas écrit pour Eddie Murphy, c'était écrit pour une vedette d'action, de film d'action blanche. C'était écrit donc littéralement pour Keanu Reeves. Et donc finalement, ça finit par changer. C'était le concept au complet qui a changé. Ensuite, Keanu Reeves était supposé être la vedette de Watchmen en 2009. Un an avant que Watchmen arrive au cinéma, Reeves a confirmé à MTV ce que plusieurs avaient spéculé, qu'il avait refusé la chance de jouer le Docteur Manhattan dans l'adaptation très anticipée. Mais c'était pas par manque d'intérêt de la part de Reeves, ça a juste pas marché. Il s'est quand même rendu sur le plateau pour visiter. Il filmait à Vancouver. Il est allé sur le plateau pour dire bonjour. Ils lui ont montré quelques trucs, ça avait l'air vraiment bien. Il avait vraiment hâte de jouer là-dedans, mais finalement, bon, ça a changé. Et finalement, Keanu était supposé jouer dans Tropic Thunder en 2008. C'est le film de Ben Stiller. Tropic Thunder. Oui. Ça s'est rendu au cinéma à l'été de 2008. C'est une comédie qui était en préparation depuis plus d'une décennie. Donc, le produit final était très différent des plans que Ben Stiller avait à l'origine. Entre autres, Reeves devait jouer le rôle de Tug Speedman, le rôle qui a été joué éventuellement par Ben Stiller. Ah oui? Ça aurait dû être Keanu Reeves. Au départ, Stiller voulait jouer le rôle de l'agent Rick Peck, que finalement, Matthew McConaughey a joué au final dans le film. Donc, voilà. 8 films qui étaient supposés mettre en vedette Keanu Reeves. C'est de l'insolite, mais j'ai trouvé ça intéressant. Oui, tout à fait, quand même. Ouais. J'aime bien. Voilà, c'est tout pour cette chronique de son foutu palmarès. Mm-hmm. On prend une pause au retour. Ah, Véronique Mire est arrivée. Bonjour, j'ai pas dit bonjour, je voulais pas être déconcentré de ma chronique. Mais bonjour, bonjour. Qu'est-ce qui s'en vient tantôt, Véronique Mire? Bonjour à toi, premièrement, pour vrai, officiellement, en nombre. Hey, salut, salut! Oui. Qu'est-ce que tu nous prépares? Intéressant, tantôt? J'aime bien l'acteur Keanu. Ah, pour vrai? Oui. Ben, y a des choix intelligents. Il me laisse indifférent jusqu'à temps que je sache qu'il avait du goût comme ça. Mais tu vas voir la vie qu'il y a. C'est hallucinant, ouais, les drames qu'il y a dans sa vie. Familiaux, drogue. Ouais. Série de bad luck après l'autre. Tout ça dans le blender. Oui. Donc, Véronique Lupédi, après la pause, qu'est-ce que tu nous prépares? Oui, alors, changement d'heure et accident, rêve, sucré, salé, journal intime, devons-nous le ressortir ou non? Ah, oh, oh, oh! Le goût et quelques québécismes. Des québécismes. Oh. J'aime ça. On se prépare pour ça dans 2 minutes à peu près. Assemblage requis. Pour l'écouter. 89.1. Toujours à Assemblage Requis, en ce jeudi matin 9 novembre 2017, Tania Bona et Mathieu Plante avec vous jusqu'à 10h. Avant de continuer avec Véronique Mire et sa Véronique Loupédie, on écoute The Packady, voici Dollhouse. Ça fait avec le journal intime de tantôt, mais on... Where do we

pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. Ensemble, je vais tout pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. Ensemble, je vais tout pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. Ensemble, je vais tout pour toi, oh oh oh, aujourd'hui. Deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi matin 9 novembre 2017. Tania Baudin là. Et Mathieu Plante. On a regardé un petit peu Véronique Mire, juste pour parler du fait que sa mousse de micro est verte, vu que t'as des racines irlandaises, okay, je pense. Ok, oui. Oh. Quelle chance, je suis tombée là-dessus hier. Je dis, il y avait bleu, orange, puis vert. Hey. La question ne se pose pas. Hey. On se doit, selon l'historique familial. C'est ça. Hein? Bon, un petit peu de crème irlandaise. Un petit peu de whisky sur le bord. Non, c'est ça. Ouais. Tania, on prend une petite pause musicale avant de continuer notre émission? Oui. Ça te tente-tu d'entendre une pièce de The Soul Jazz Orchestra? Certainement. Du funk, vraiment funky. On aime ça. Voici Dog Eat Dog à Assemblage requis. Ouh, oui. On la dédie à toutes les femmes dans la place. Je sais pas. N'importe quoi. We are all in the same system that's exploiting us, that is taking advantage of everybody. But that's the whole story. You have those working with the system getting fucked by the system. You see, it's dumb. We all remain in the same system sold to us for generations. Since the Western society became the imperial power. Stepping on the next segue. in a race for the bread. Now they call this freedom. Lies. Call it the natural way. Lies. They call this freedom. Lies. Call it the only way. Lies. Now they call this freedom. Lies. Call it the natural way. Lies. They call this freedom. Lies. Call it the only way. Lies. But you can't piss on my leg. And tell me it's raining. It's only freedom. If you're the big dog eating. But you can't piss on my leg. And tell me it's raining. It's only freedom. If you're the big dog eating. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. It's a doggy dog world. Assemblage requis. Justement, parlant de chien, ça va être la première affaire que je vais vous dire. Ouh là là! Dans Tu manges mon cœur. La chronique des coups de cœur des co-animateurs d'Assemblage requis. Ah, okay, oui, on aime ça partager les choses avec vous. Oui, puis on en a une coupe à matin, hein? Oui, un petit blitz, là, tu sais. Non. Ah, on commence avec des chiens, comme je viens tout juste de dire. En fait, tu sais, Tania, que je suis pas un gars de chien. Vraiment, je suis plus un gars de chat. Oui, je suis d'accord. Mais ça n'empêche pas que j'aime bien le concept derrière UPS Dogs. Mm-hmm. C'est une page Facebook UPS Dogs, créée par un conducteur de camions UPS et un amoureux des chiens, Sean McCarron, où les conducteurs de UPS peuvent poster des photos de tous les chiens qu'ils rencontrent au travail. Oh. Quand ils vont livrer des paquets, il y a un chien qui arrive, ils prennent une photo, ils mettent ça sur la page Facebook. C'est super cute, l'idée est vraiment bonne. Pas grand-chose de plus à dire que ça, là. C'est vraiment tout joli. Et même qu'il y a des chauffeurs de UPS qui traînent des petits os sur eux, ou tu sais, des petites gâteries pour chiens. Puis on oui. les voit en train de donner ça. Il y a des vidéos, il y a des photos, plein de trucs comme ça. Donc, allez voir, simple, UPS Dogs. Et moi, j'aime toujours dire Ops au lieu de UPS. Je ferais que j'appelle ça Ops. Je me fais livrer Ops aujourd'hui. T'as le droit. Ouais. On juge pas. Non, ben, tu peux. T'as le droit. C'est pas grave. Allez voir les photos sur assemblagerequis.com. Des petits, des grands, autant chauffeurs que chiens. Différentes couleurs, autant chiens que chauffeurs. Fait c'est ça. UPS Dogs. Est-ce qu'on y va en bascule? Tu peux en faire un. Ouais, tout à fait. J'ai aucun problème avec ça. Le prochain que je vous présente, le premier en fait que je vous présente, c'est un blog. Mais un blog spécialisé pour les gens qui ont des légers problèmes avec le lactose. Ah, les gens comme nous? Oui, exactement. Donc, ça s'appelle petitevanille.weebly.com. Mm-hmm. Si jamais vous voulez aller voir la page Facebook avant d'aller voir le site Internet, bien, c'est très, très simple. Vous tapez Petite Vanille. Et c'est fait par une Québécoise qui, elle aussi, a des difficultés avec le lactose, donc tout ce qui est intolérance au lactose, tout ce qui est allergie au lactose. Ballonnement et exactement. Autres. Donc, on parle de pouvoir faire de la cuisine vraiment très diversifiée. Ouais. Là. Ça peut être des desserts, ça peut être un repas dîner, ça peut être un gros repas souper. Mais tout ça dans l'optique que, bon, ben on va tous avoir des problèmes avec ce qui se passe du côté lactose si jamais on consomme du lait. Alors, j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça merveilleux. Ça sauve un petit peu la vie dans certaines recettes, sachez-le. Allez faire un tour là-dessus, c'est vraiment le fun. Gâteau pudding aux framboises. Ah. Effiloché de porc à la coréenne, boule d'énergie sans cuisson, la banane et au chocolat. Hey, je pourrais toutes les regarder d'après l'autre. Pudding. Oh, attends un peu. Pudding chômeur à l'érable dans une tasse. Mm-hmm. Sérieusement, là. C'est pas trop compliqué, là. Gâteau à base de yogourt. Ariane Paris. Oui. Quelle belle découverte. Merci. C'est la fille qui me fait rêver à toutes les recettes qu'elle poste. C'est là. Cool. Ça a tellement l'air bon. Je continue avec quelque chose d'autre dans la cuisine, en fait. Et c'est encore une autre chose visuelle aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je suis visuel. Mais c'est une artiste. Je savais pas que ça existait. En fait, c'est une artiste qui pèle des agrumes. Donc, elle va enlever l'extérieur d'une clémentine, ouais, d'une orange, de peu importe. Et elle fait des formes d'animaux, mais en défaisant la pelure. Oh! Dans le sens qu'elle va pas genre enlever la pelure au complet, après ça, découper dedans. Là. OK. Elle va, en découpant la pelure, la découper d'une certaine façon pour faire, par exemple, un cheval. Non! C'est un artiste japonais, Yoshihiro Okada, qui utilise donc... c'est un gars, j'imagine, Yoshihiro, qui, lorsque la pelure est toujours sur l'orange, va utiliser une lame. Mm-hmm. Puis après ça, va l'enlever avec ses doigts, le reste. Et puis, okay, ça fait une forme d'animaux. C'est comme coupé avant, pas après, si tu comprends ce que je veux dire. Bref. Pas vraiment. Ouais, mettons que la clémentine est encore au complet. Okay? Ouais. Prends une lame de rasoir pour faire des fentes dedans. Okay? Puis après ça, avec ses doigts, va défaire la clémentine et ça va faire une forme de cheval. Ah, OK, je comprends. Tu comprends? À la place de prendre la pelure au complet puis après ça, venir la découper, ça serait pas impressionnant du tout. Non, mais non, du tout. Donc, on peut voir une forme de crevette, de flamant rose, de poulet et de cygne. Tout ça sur la page YouTube de Yoshihiro Okada. C'est youtube.com. Cherchez Yoshihiro, Yoshihiro, ou sinon allez visiter assemblagehockey.com si vous voulez vraiment voir, parce que c'est quand même assez impressionnant de voir les formes avec autant de précision. Et tu reconnais vraiment bien l'animal. Donc, dans des agrumes, ça n'a aucun rapport, mais je trouve ça drôle. Mais ça doit être beau. Ouais. Et ce que moi je vais vous présenter, en fait, c'est le concept derrière trois personnes. Donc derrière Axel Latuada, Fabrice Debonny et Marc Debonny. Probablement que vous avez déjà vu passer certaines de leurs vidéos sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook. C'est « Et tout le monde s'en fout ». Ah, OK. Tout le monde s'en fout. C'est en fait, l'idée est simple. Eux, ils basent leur concept de chronique, ben pas nécessairement de chronique, mais plus de petites vidéos sur le monde qui est quand même assez stupéfiant, mais qui va très très mal, et ça nous fait parfois saigner du nez. Donc, qu'est-ce qui arrivait si on arrêtait de se foutre d'un sujet en particulier? C'est ce qu'ils mettent de l'avant. Donc, c'est une web-série qui est bimensuelle, qui alterne un épisode qui vont parler de soi ou qui parle du reste du monde. Donc, récemment, on a eu, par exemple, la culture du viol. On a déjà eu les femmes. On en a vraiment beaucoup là-dedans. Là. Je pense qu'ils sont un peu beaucoup acclamés par les internautes parce qu'ils vont être de passage à Gatineau pour une espèce de conventum Internet qui va se passer du côté de Gatineau. Alors, si jamais vous voulez les rencontrer, bien, allez sur la page Facebook Et tout le monde s'en fout et vous allez être capable d'avoir les dates directes de qu'est-ce qui va se passer du côté de Gatineau. Mais c'est vraiment très le fun parce que ça ouvre un point de vue sur bien des sujets qui sont peut-être vraiment très mal expliqué. Et on s'entend que derrière tout ça, il y a des personnages. Donc, le personnage que joue, par exemple, Alex, bien, c'est un geek qui vit dans une cave, mais qui est bourré d'informations. Donc, c'est l'information qu'il nous transmet qui fait en sorte qu'on apprend à connaître un petit peu plus un certain sujet de l'actualité, bien souvent, parce que c'est eux qui nous font grincer des dents ou saigner du nez la plupart du temps. Alors, c'est merveilleux. Allez voir ça. Vous allez en avoir pour des heures et des heures à regarder juste de la vidéo. Et tout le monde s'en fout. Et tout le monde s'en fout. Ouais. Tu te rappelles les Tamagotchi? Certainement. Les années 90, là, qui fait réussir à faire survivre, lui faire son petit caca, le nourrir, etc. Et là, on le regardait mourir, c'était super triste. Mais imagine tout ça maintenant, mais qui sert à quelque chose. OK. Ouais, donc ça s'appelle Tamagotchi. Oui, c'est pas mon rhume, c'est Tamagotchi avec T-A-B comme un onglet. C'est une application Google Chrome fabriquée par Breather qui transforme votre, dans le fond, votre... qui aide à votre productivité, je dirais, en vous aidant à garder le moins d'onglets possible dans votre furteur. Donc, si t'es du genre à ouvrir plusieurs articles parce que tu te nourris, tu te gaves d'informations comme moi, tu vas empêcher ton animal de mourir en t'occupant de tes onglets. Mm-hmm. Ça va l'aider à survivre. Donc, à chaque heure que tu vas passer avec 5 onglets ou moins, plus ton Tamagotchi va être heureux. Il va évoluer d'une petite créature qui ressemble à un radis pixelisé à un joli petit hybride plante-lapin-chat. À la fin. Donc, c'est le genre de personne qui ouvre beaucoup d'onglets et que tu te dis, j'irai voir ça plus tard, je mettrai ça dans ma liste de lecture plus tard ou dans mes favoris plus tard. Eh bien, tu vas pouvoir voir ton Tamagotchi mourir, j'imagine, si tu fais ça, en les laissant ouverts. Il y a de fortes chances. Hein? Mais bon, si vous voulez que ça fonctionne bien, descendez en bas de 5 et il va grandir. Ça pourrait juste améliorer votre productivité. Voilà, ah, donc, on aime ça. Tamagotchi sur Google Chrome. Le dernier que je vous présente, en fait, ça va être une chanson que Mathieu, j'ai glissé dans le fichier. Ouais, exactement. Oui. Assemblage requis. C'est un artiste que je vous ai déjà fait écouter. C'est un artiste qui est un petit peu pas encore connu. Alors, c'est le fun, on peut les faire. On peut vous les faire jouer à perte de vue. Et ça, c'est sa nouvelle toune qui s'appelle Mercy. Vous allez voir, c'est quand même assez calme. Ces temps-ci, ça dépend tout le temps de comment on se file, on dirait, mais on dirait que la température, parfois, l'aide à écouter de la musique qui est pas mal plus douce. Mercy, Lewis Capaldi, c'est vraiment un artiste coup de cœur pour moi ces temps-ci. J'écoute toutes ces tunes. ça en est peut-être même un petit peu abusif. Ouais, peut-être. Je suis désolée des 142 messages que j'ai envoyés, M. Capaldi, non, c'est vrai. Mais je vous laisse écouter ça, vous allez voir, c'est tellement bon dans les oreilles. Non, mais c'est le fun. Ça dépend de ton humeur. Je veux pas savoir quel genre de musique tu voudrais. C'était en humour bitchy, mais c'était de bonne humeur. Lewis Capaldi. I've been trying to count the lines around your face, 'cause I don't know if I'll ever be this close again. I feel like I'm just wasting time before you pull the trigger. It's the drawing of the line, it's my ghost. You're gonna give up, but you made up mind. It hurts to see you're alright when I'm not alright. So if you call it a night, oh please, have mercy. Grip a little more each time we touched. I've got no hope, I guess I'll never get it back again. Hey, hey, hey. Feel like I was just wasting time before you pulled the trigger. It's the drawing of the land, it's my ghost. You're gonna give up, but you made up mind. It hurts to see you're alright when I'm not alright. So if you're calling it a night, oh please, have mercy. The I've been holding on too long. Somehow I can't let go, but I know I've been holding on too long. Capaldi. Ah, ah, chance, c'est mon plus gros coup de cœur. Tu manges mon cœur, le West. C'est sûr que les tiens étaient pas mal meilleurs que les miens aujourd'hui. Ben non, ben non. Merci beaucoup. J'allais mettre tous les liens sur la page Facebook d'Assemblage Requis, soyez au courant. Et parce que je devais aller sur le site de Petite Vanille pour pouvoir mettre le lien. Ouais, t'as vu quelque chose. Oh mon Dieu, ça donne faim, ça donne beaucoup trop faim, je vous le dis. Il reste juste une heure et demie avant de pouvoir aller manger un burrito. Exactement. Merci beaucoup, Tania, pour tes coups de cœur. Fait plaisir. Tu manges mon cœur, on fait ça quand ça donne, une fois de temps en temps, pour remplir les cases horaires. Mm-hmm. Alors, on prend une pause au retour. Il nous reste, entre autres, ta chronique qui s'en vient plus tard. Il y a aussi une grosse pointe en dresse d'ici la fin de l'émission, mais juste après la pause, je vais faire le bloc pub à la chronique de marketing. Oh là là! Dans deux minutes. Vous êtes toujours dans l'émission Assemblage Requis, accompagné de Tania Baudin. Et de Mathieu Plante. Mathieu, j'ai fait la grande erreur d'aller cliquer sur recette dans le site Petite Vanille. Ça s'arrête ici. C'est terminé, je ferme tout. Ferme ça, là. Ferme l'ordinateur au complet. Ça donne tellement faim. Trop risqué. Oh, mon Dieu! Je vous le dis, allez faire un tour, surtout si vous êtes intolérante ou intolérant au lactose, là. Vous allez clairement tomber en amour avec les recettes qu'elle vous présente. C'est fait seulement... voyons, carrément. Non, pas seulement... Seulement que ça? Non. Non. Non, non, non, vous allez pouvoir en trouver plein, là. Ah, cool. Donc voilà, petite vanille. Maintenant, c'est le moment de parler de marketing et de choses qui vont vous faire acheter des choses. Voici le blog pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le gouda. I love you and I kiss you. 4,99 la minute. C'est le bloc pub, oui, où on parle de marketing. Commençons par une publicité de mauvais goût, disons, par une station de radio qui a mis Charles Manson sur son panneau publicitaire. Et ils ont admis eux-mêmes que c'était un petit peu de mauvais goût. Hein? Ah? Donc la publicité, si on vous la décrit, c'est un panneau en noir et blanc avec une photo de Rihanna, avec le nom Rihanna par-dessus. Bieber, avec la photo de Bieber. Ouais. Et Manson, avec la photo de Marilyn Manson. Et là, ça dit WFMU 911 FM. Pour une station de radio. Donc, pourquoi est-ce que quelqu'un aurait mis Charles Manson sur son panneau publicitaire? Très bonne question. Hein? Donc, c'est les fans de musique, en fait, dans le Grand New York. Depuis 1958, la station existe à East Orange, dans le New Jersey, et ils diffusent des sons des plus... varié. Si on veut, en utilisant un format freeform, donc un petit peu style libre, et ils reçoivent des fonds de la part de dons de leurs auditeurs. C'est comme ça qu'ils fonctionnent et ça permet aux DJ de jouer absolument tout ce qu'ils désirent. Il n'y a aucune règle. Donc, si vous voulez du hip-hop l'Afrique de l'Est ou peu importe, ou des émissions sur l'histoire du monde antifasciste, peu importe, WFMU est là pour vous à New York. Et plutôt cette année, ils sont allés sur Kickstarter pour une nouvelle façon de ramasser de l'argent. En demandant aux gens de mettre de l'argent pour publicité, pour payer une publicité de 5 000 $ sur un panneau publicitaire sur la route 280 de Newark. Donc la campagne décrivait ça comme le premier et le dernier panneau publicitaire de WFMU, disant que la station manque toujours d'argent, mais ils ont plein d'idées et d'innovations. Donc ils voulaient que les gens leur donnent de l'argent pour faire une publicité qui allait être la première et la dernière, donc elle allait faire parler d'eux. Ah. Et les donateurs pouvaient choisir la thématique de la publicité par vote populaire. Et dans la vidéo Kickstarter, le gérant de la station, Ken Friedman, a décrit le projet comme une façon de prendre la puissance des panneaux publicitaires et enlever ça du grand commerce, là, de The Man, là, tout ce qui est genre les hommes à habits, là, et donner ça aux gens. Les choses ont mal tourné, par contre, évidemment, comme c'est le cas avec plusieurs autres décisions par le public. Par exemple, le bateau Boaty McBoatface, il y a quelques années, on se rappelle de ça. Donc, dans la vidéo, WFMU a admis que le panneau publicitaire avec Charles Manson était confus et de mauvais goût. Donc, on ne sait pas trop comment ça a été décidé. Le concept est un petit peu expliqué dans l'article. Mais la musique de Charles Manson a déjà été jouée sur les ondes de WFMU dans le temps. Donc, j'imagine que quelqu'un a choisi ça pour mettre ça là-dessus. Je ne sais pas trop quoi. Probablement. Bref. Et il y avait d'autres slogans alternatifs pour la pancarte, entre autres « We're talking about your dead mother », donc on parle de votre mère morte, et le slogan de la campagne de Richard Nixon « Now more than ever », donc différents slogans qui étaient choisis, et celui qui a gagné, bien sûr, c'est celui avec Charles Manson. Voilà. Hmm. Ensuite, Burger King qui dénonce l'intimidation à coups de Whopper Junior. Burger King et l'agence David Miami ont réalisé un coup d'éclat publicitaire mettant en vedette un jeune étudiant victime d'intimidation et un sandwich Whopper Junior. L'initiative qui s'est déroulée dans une succursale de Burger King où des clients ont assisté incrédules à une scène d'intimidation. Lorsqu'ils commandaient un Whopper Junior, ils recevaient un sandwich préalablement écrabouillé par un employé. Alors que seulement 12% des clients ont aidé la victime, 95% ont pris la peine de retourner leur sandwich et de déposer une plainte. Une vidéo qui se termine de manière plus positive. On voit quelques personnes faire preuve d'empathie en s'interposant et en amorçant une conversation avec les jeunes. L'offensive se termine par une invitation à se rendre sur le site de l'organisme No Bully, un groupe qui se présente comme une solution pour contrer l'intimidation. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo plus en détail. Je vous la raconterai pas en ondes. C'est sur assemblagerequis.com. Ensuite, on a IKEA au Royaume-Uni qui a invité les Britanniques pour sa fête, son 30e anniversaire. C'est le IKEA House Party. Donc, une grosse fête pour célébrer l'anniversaire de la marque suédoise, oui, qui a pris donc une maison à Londres dans le quartier Soho et a recréé des salons typiques des années 80, 90 et 2000, ainsi qu'un espace dédié à la maison du futur. Oh. Donc c'est un événement qui avait lieu, en fait les billets ont été vendus en dedans de 24 heures. Les gens pouvaient quand même se présenter malgré le manque de billets par les lunettes de réalité virtuelle qui étaient disponibles dans des magasins IKEA autour du pays. Et aucun billet était nécessaire pour visiter pendant les heures régulières du magasin. Il y avait de la musique dance, de la nourriture et des boissons de différentes décennies pour célébrer tout ça. L'espace des années 80, c'était des couleurs très très flash, de la vitre... glacé un petit peu et des vidéos d'entraînement style Jane Fonda là, sur vidéo VHS. Dans les années 90, c'était des meubles très très beige, de la lumière très ambiante et des ordinateurs comme accessoires de mode. Dans les années 2000, c'était l'expression de son soi-même, donc les selfies, des trucs comme ça. Et puis IKEA, c'est ça, est dédié aux 30 dernières années dans cet événement-là. Voilà. Ensuite, on reste en Europe un petit peu avec la Vodka Svedka. Svedka. S-V-E-D-K-A. Qui a fabriqué des publicités d'Halloween qui te suivent un petit peu partout. C'est un peu bizarre. C'était du ciblage de marketing qu'on appelle. Ben donc, Svedka Vodka. C'était leur campagne Banner Ad Curse pour l'Halloween. C'était créé par une agence de Toronto qui s'appelle Benjamin Byrne. C'est la troisième année de suite qu'ils font quelque chose du genre après leur campagne Printable Costumes en 2015 et First World Horror Stories l'an dernier. Donc cette année, ils ont essayé d'avoir un petit peu de plaisir en utilisant les données sur les gens sur Internet et utiliser des séquences vidéo et des bannières de façon à ce que ça te suive partout. Donc ça commençait avec une recette de cocktail d'Halloween pour les fanatiques de vodka. Donc, ouais. Ça apparaissait sur les pages Facebook du monde, donc dans leur publicité normale. Et quand tu cliquais dessus, tu étais amené sur un site web où tu avais une publicité qui t'attendait. Et on va regarder ensemble à la radio cette publicité-là. Curse Video, c'est une vidéo de 15 secondes. By watching this, en regardant ceci, vous avez maintenant un sort avec des publicités qui vont vous suivre partout. So, alors, amusez-vous. Svetka Vodka, spread the curse. Donc, éparpiller le sort un petit peu à travers Internet. C'est un peu l'idée qu'on avait là-dessus. Donc, les publicités commencent à vous suivre un petit peu partout sur Internet, peu importe où vous allez. En fait, ça fait déjà la même chose avec les publicités en général. Là, je me rappelle d'avoir magasiné pour, mettons, des souliers. Mm-hmm. Puis tous les sites que je visitais après avaient des pubs de souliers. Donc, c'est un peu le même principe, mais maintenant, c'est un petit peu plus épeurant, si on veut. Donc, ça vous suit basé sur votre localisation, votre préférence de vodka et vos habitudes de furetage sur Internet. C'est ça, il y a des slogans comme « J'aime te suivre partout à New York » qui apparaît sur des publicités quand tu es sur Internet. L'autre « I'm bathing in your online data » « Je me baigne dans tes données en ligne »« I like that you post mean things about other vodkas » « J'aime quand tu postes des affaires méchantes au sujet de d'autres vodkas » bref, des slogans comme ça qui c'est des publicités dans le fond vidéo ou gif animé qui se promènent. Voilà. Ensuite, TELUS s'excuse concernant une publicité controversée vieille de 5 ans. Peut-être as-tu vu passer cette publicité-là il y a quelques moments. Ça disait « Ne pas avoir le plus de chaînes HD de sport, c'est comme ne pas se lever debout pour l'hymne national. » C'est une publicité de TELUS pour le hockey. C'est ce que ça disait à l'époque. Donc, TELUS a présenté ses excuses après avoir diffusé une publicité vieille de 5 ans qui a causé toute une controverse sur les réseaux sociaux. Dans le texte de l'annonce, il était écrit, comme je viens de le dire, que ça équivalait à ne pas se lever pendant l'hymne national. Un utilisateur de Twitter de Calgary a partagé une image de la publicité, la qualifiant de stupide et offensante. L'entreprise s'est excusée, précisant que son annonce était vieille de plusieurs années et qu'elle n'aurait pas dû être diffusée. Elle croit que l'image provient d'une affiche publicitaire datant de 2012 qui aurait été laissée dans le Saddle Dome à Calgary. Porte-parole de TELUS, Erin Dermer, a ajouté que l'affiche sera retirée et que l'entreprise avait pris des mesures pour s'assurer qu'elle ne soit pas placée ailleurs. Ça faisait partie d'une campagne ciblée en 2012 qui faisait la promotion des canaux de télévision en haute définition auprès des amateurs de hockey en Alberta et en Colombie-Britannique. Dans les derniers mois, on sait évidemment, j'ai pas besoin de vous le rappeler, que les joueurs de la NFL ont manifesté contre la discrimination aux États-Unis en s'agenouillant pendant l'hymne national américain. Une campagne expose les menstruations avec, enfin, et là, ça a l'air bizarre de dire que c'est nouveau, mais avec du sang. Oui, j'ai vu! Oui, la publicité pour les produits hygiéniques tente de romancer les réalités menstruelles depuis toujours. Hein? Et maintenant, il y a Libresse qui défait un petit peu ses règles parfaites avec du sang, des crampes et des hommes. Le penchant scandinave de Bodyform et l'agence londonienne AMV BBDO ont voulu sortir de l'allégorie du liquide bleu. On connaît tous ce fameux liquide bleu transparent. La nouvelle publicité en ligne expose le sang concrètement. Une traînée écarlate versée sur une serviette, une fine ligne rouge qui coule sur la jambe d'une fille sous la douche et des femmes qui souffrent de douleurs menstruelles. Le réalisateur de l'offensive explique qu'il voulait normaliser les menstruations, enfin. La marque avait présenté l'an dernier une serviette hygiénique accrochée dans un dessous, une première dans l'histoire publicitaire. Dans ce court-métrage de Daniel Wolf et Monica Lenchowska, qui est présenté en ligne et sur les médias sociaux dans la version longue au Danemark, en Norvège et en Suède, et puis dans une mouture d'une vingtaine de secondes au Royaume-Uni. Tu l'as vu passer sur Facebook à quelque part, j'imagine? Donc, on peut quand même se gâter à la regarder ensemble. À la radio. What do you call a girl on her period? Comment est-ce que tu appelles une fille sur ses règles? Ben, tu l'appelles la semaine prochaine. Ah, ça, c'est un message texte, bien sûr. On entre dans un salon, dans des corridors. On voit des pieds de filles sur un lit en train de lire un livre. La fille, pas les pieds, bien sûr. Hein? On est dans une classe. Une fille est en train de lire, elle aussi, un livre. On est à la bibliothèque. Est-ce que c'est... Ouais, c'est un petit peu long, par contre. Qu'est-ce qu'on voit? Je vais avancer un petit peu. On voit des gens qui s'embrassent, un paquet de scénarios comme ça. Et là, à un moment donné, ben, tu vois vraiment le sang sur la serviette versé à partir d'une fiole. Donc, tu vois la texture du sang. T'es dans la douche aussi et tu vois vraiment, comme on disait tantôt, le sang couler. Et c'est pas mal ça, finalement. Il n'y a pas grand-chose de très, très controversé là-dedans. Hein? Non, c'est ça. Est-ce que ça te dérange, non? Moi, ça me dérange pas. Non. Je sais pas qui ça pourrait déranger. J'en ai vraiment aucune idée. Bref, ça dit ici un petit courriel qui dit « Merci pour votre courriel, je passe une période de règles très très intense, donc je vais devoir vous revenir la semaine prochaine. » Donc tu vois les gens qui s'empêchent d'avoir des tabous et disent la réalité à la place de s'inventer des excuses. Mm-hmm. Donc voilà, pour les menstruations, ça c'est par Libresse, L-I-B-R-E-S-S-E. Ensuite, continuons dans un autre domaine complètement avec... qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que je peux l'ouvrir celui-là? Ah, on va devoir sauter au prochain, je pense. Oui. Donc, un gars qui vit dans un aéroport de Helsinki pendant 30 jours pour une campagne Life in Hell, H-E-L pour Helsinki, la ville. C'est par TBWA. C'est donc la télé-réalité qui rencontre les jeux télévisés versus les médias sociaux. Donc, on appelle ça la plus longue attente dans un aéroport au monde. C'est l'influenceur chinois Ryan Zhu qui vit dans l'aéroport de Helsinki pendant 30 jours. Un exercice qui vient de la compagnie de marketing TBWA. C'est une campagne pour l'opérateur aérien finlandais Finavia. Le but est de montrer que l'aéroport d'Helsinki est parmi les meilleurs, en fait le meilleur, avec les meilleures notes de la part de Travelink et d'autres sondages. Et c'est pour augmenter la faveur du public envers cette compagnie-là. C'est pas mal ça finalement, donc c'est Zhu qui peut s'amuser à faire plein de choses là-dedans. Donc, y a une petite annonce dans le système de son qui dit bon, l'embarquement sera dans 624 heures. Bien sûr. C'est pas mal ce qu'il y a à dire là-dessus. Vous pouvez aller voir les vidéos, j'ai pas envie de les regarder au complet, mais c'est vraiment le fun. Donc, official trailer pour Life in Hell, la bande-annonce et d'autres petites vidéos dans l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, une marque de montres luxueuses qui a appelé personnellement 17 819 de ses clients pour s'excuser personnellement. OK, pourquoi? Voilà. Donc, une marque qui est née sur Kickstarter. C'est la compagnie Filippo Loretti qui a trouvé une façon de faire du marketing par relations publiques avec une excuse personnelle. Presque 18 000 backers ont donné à Filippo Loretti quelques 6,7 millions de dollars américains pour amener une mode luxueuse à un prix beaucoup moins que luxueux sur le marché. C'est la campagne de montres qui a réussi à avoir le plus d'argent au monde. Par contre, il y a eu des délais pour la livraison. Le projet à l'origine de 17 819 personnes qui ont donné de l'argent. Ils ont reçu le produit entre 2 et 5 mois en retard. Donc, Filippo Loretti essaie d'arranger les choses en appelant ces 17 819 personnes-là individuellement et en s'excusant. Wow! Il essaie de faire ça en 2 jours seulement. Et la twist là-dedans, c'est qu'il livestream ça sur Facebook. Ah! Tu peux le voir appeler les gens un par un sur Facebook. Mais voyons donc! Je te jure. Est-ce que tu viens d'apprendre à boire, Tania? Est-ce que tu l'as remarqué? J'ai remarqué ton dégât sur ta bouche. Ouais. Elle qui est toute belle, toute maquillée. Elle a sûrement un événement aujourd'hui. Non, pas en tout. Hey, t'es la deuxième personne à me dire ça ce matin. Ben oui, mais... Il y a la fille à Chasse-Galerie quand je suis allée chercher nos cafés. Ouais. Qui me dit « Ah, ben voyons, t'as-tu une activité aujourd'hui? Tu es comme toute belle! » Ben, c'est ça. Puis là, c'est quoi, d'habitude, Juliette? Non, non, c'est juste particulièrement arrangé. Mais... Non, même pas, même là. Pas. J'ai vraiment beaucoup moins de maquillage que d'habitude. OK. Mais il paraît mais... plus. Non, j'ai mis du rouge à lèvres aujourd'hui. Voilà. J'imagine que c'est la grande différence. Ça doit être ça. Bref, on parlait d'une campagne de marketing où on appelle les gens pour s'excuser pour un petit délai. Une grosse cascade publicitaire, bien sûr. Donc, la marque n'est pas totalement transparente sur ses intentions. Comme on dit dans l'article sur adweek.com, tu fais pas ça juste parce que tu veux t'excuser, juste parce que t'es fin, tu veux faire ça parce que les gens vont parler du fait que tu t'es excusé. Exactement. C'est assez clair, tout ça. Ensuite, une publicité un petit peu folle qui a remplacé chaque point noir dans un magazine au complet, remplacé par des points colorés. Pour faire la promotion de quoi exactement? Hein? Donc, c'est une compagnie de télécommunications irlandaise, R-E-I-R, qui a remplacé tous les points noirs du numéro du 6 octobre de Daily Mail Magazine avec des points colorés. Et là, quand je parle de chaque point, je parle des points qui terminent les phrases. Mm-hmm. Chaque point sur un 2 points, sur un point virgule, les points sur les I et sur les J. Hein? Donc, tout dans le journal, un petit point de couleur rose ou bleu. Donc, c'est très, très détaillé comme campagne. On s'entend que ça doit prendre vraiment énormément de temps pour le magazine, une fois que la maquette est placée, de faire ça. Je sais même pas comment tu commences à faire ça. Oui, non, c'est ça. Bref, ça a été expliqué dans le journal, dans le magazine, pardon, par une publicité page pleine à l'arrière du magazine. Et le but, c'était de suggérer que R peut aider à éliminer les points noirs, les points sombres dans ton bureau, là où ton signal mobile est faible. Tu comprends les black spots, les points noirs, les trous noirs, si on veut. C'est ce que ça dit. Chez Air, nous n'aimons pas les zones noires. C'est pour ça qu'on s'est débarrassé des zones noires dans ce magazine. Et vous pouvez vous en débarrasser vous aussi à la maison ou au bureau avec les appels Wi-Fi exclusifs à Air. Vous avez qu'à embarquer l'option Wi-Fi Calling sur votre téléphone mobile pour être automatiquement connecté à n'importe quel réseau Wi-Fi pour faire des appels mobiles partout où vous avez un signal faible. Une cascade élaborée, orchestrée par l'agence publicitaire Rothko. Une idée très, très originale, oui, je dois dire. C'est vrai. C'est fort. Même la couverture fait remplacer ses points par des « i ». Donc, partout. Ça doit coûter cher, en plus, faire ça. Mais c'est une compagnie de communication, ça doit avoir assez de budget pour ça. Ensuite, c'est une marque d'électroménager qui a réussi à prendre les soap opéra très, très longs. C'est célèbre en Turquie, les soap opéra sont très longs, mais en publicité de 6 secondes sur YouTube. Hein? Ouais. Donc, les soap opéra, c'est très culturellement important en Turquie. Ben, pas juste en Turquie, ailleurs aussi, mais quand même. En 10 ans, l'industrie a évolué. Et puis, c'est 350 millions de dollars en exportation. Ils vont se rendre jusqu'à 1 milliard de dollars en 2023. Et les adaptations pour le marché occidental s'en viennent éventuellement. Donc, on va prendre des téléromans turcs et pour les amener en Amérique du Nord ou dans les marchés occidentaux. Pour l'instant, on n'a pas encore vu ces drames-là en Amérique du Nord. Et ben justement, une des raisons pour ça, c'est à cause de la durée incroyablement longue. Des fois, ça peut prendre une saison complète pour créer une relation entre quelqu'un qui rencontre quelqu'un et le premier baiser. Ça peut prendre toute la saison avant qu'il se passe quelque chose dans ces émissions-là. Eh bien, justement, Vestel, une compagnie d'électroménager, d'appareils électroniques pour la maison, est là pour sauver la journée. C'est la compagnie Concept Istanbul. Et on a tiré profit de la campagne, de la façon de faire sur YouTube, d'avoir des publicités de 6 secondes. Donc, pour créer quelque chose d'émotionnellement très, très intense. Oh. Donc, écoutons ce téléroman turc en dedans de 6 secondes. YouTube's bumper ads. La publicité bumper de YouTube ne peuvent pas être sautées. Snackable. Elles sont rapides à savourer et seulement 6 secondes. Turkish dramas. Drame turc. The second most watched shows in the world after American series. Les émissions les plus regardées au monde après les séries américaines. Je ne savais pas ça non plus. Les téléromans turcs. Bon, la compagnie d'électroménager Vestel s'est préparée pour l'ère des publicités de 6 secondes en utilisant le pouvoir des drames turcs. Vestel présente fièrement la première série de bumpers du monde. Lave-la, je pense. Love. L'amour in en 6 secondes. Quel est ton problème? In six seconds. La haine en 6 secondes. Là, quelqu'un qui frappe quelqu'un. L'amitié in en 6 secondes. Seconds. Là, c'est sur un banc de parc, père et fils. La mort en 6 secondes. T'as quelqu'un qui vient de mourir. Et aussi un placement de produit de Vestel, bien sûr. Mais voyons. Donc là, t'as le livreur de Vestel qui arrive qui dit qu'il a installé la vaisselle. Vous ne raterez plus vos séries préférées. Grâce au nouveau panel publicitaire de YouTube, vos séries préférées sont partout où vous êtes. C'est vous permet de regarder vos épisodes épisode par épisode dans chaque vidéo que vous regardez. Donc c'est que quand vous regardez plusieurs vidéos sur YouTube, il va y avoir une publicité, un extrait de 6 secondes de ces drames turcs-là entre chacune des vidéos. OK. Bref. Il y a aussi des bannières pour des produits Vestel qui sont utilisés dans la série. Un petit peu partout autour, sur YouTube, sur il y a plusieurs autres sites de vidéos, le Miliette ou je sais pas trop quoi. Vestel proudly presents in a flood of tears. Bon, voici, je pense que ça va être l'extrait au complet, non? Better off j'aurais dead. Aimé avoir l'extrait. You'll watch them without a blink, because they're just 6 seconds long. Mini varies. OK, là. On est OK, je vais devoir traduire vraiment rapidement. On est dans une cuisine, ça s'appelle In a Flood of Tears, donc dans une marée de larmes. Bezelye, fasulye, ekmek. Et le gars dit quelque chose et après ça la femme se met à pleurer, mais le texte Bezelye, est un petit peu. Fasulye, je pense qu'il parle de la recette qu'il a faite. Bref, on arrête ça là. C'est vraiment. Difficile à traduire celui-là, je trouve. Épisode 1, épisode 2, allez voir ça sur assemblagejockey.com. Ensuite, Axe a fabriqué un produit avec un parfum, une odeur qui est cuir plus biscuit. Ouf, pas sûr. Pas sûr? Non. Tu te rappelles de chocolat, tu te rappelles d'autres senteurs particulières qu'il y a eu chez Axe dans les dernières années. Bref, Ici, on a depuis 1984 Axe qui, bien sûr, bon, essaie de convaincre les garçons d'acheter leurs produits un petit peu partout dans le monde. Et la marque Unilever a demandé à l'agence créative allemande d'Occhio d'aider à promouvoir une combinaison impossible de cuir plus biscuit. Et apparemment, ça a bien fonctionné, en fait, parce que c'est une vraie chose qui va vraiment arriver dans le marché européen cet automne. C'est des gens de chez Axe qui ont inventé le produit et qui ont demandé à la compagnie comment est-ce qu'on pourrait communiquer le produit. On essaie d'expliquer, de décider comment est-ce qu'on pourrait faire pour mélanger cuir et biscuit pour que ce soit comme quelque chose qui se complète bien. Donc, on a comparé ça à d'autres mash-up, par exemple, différentes sortes de crème glacée ensemble. Mm-hmm. Donc, on va encore une fois regarder la publicité de Axe Biscuit et Cuir. The new Axe, le nouveau Axe cookies. Cuir et biscuit. If this smells good, dit, I'm gonna run naked. Ben, si ça sent bon, je vais courir sur l'autoroute. Et là, ses vêtements s'en vont. Il quitte sa salle de bain, il est sur l'autoroute et il se met à, évidemment, courir, j'imagine. Non, il fait le pouce. Il fait du pouce. Et là, la fille vient bien sûr le voir. Tu es irrésistible. Ça méritait vraiment une grande campagne publicitaire. Ben ça, oui, hein? Difficile de, wow, de trouver une meilleure idée que ça. Hein? RTL veut assainir les relations entre colocataires maintenant. RTL et Alfred qui dévoilent la vidéo de la campagne Ultimatum RTL, dernière phase d'une offensive participative déployée au début du mois de septembre. Le ménage est la cause première de discorde entre colocataires, nous dit-on. Et en partenariat avec Astral Affichage, l'agence Alfred a mis en branle un concept pour adoucir ces relations conflictuelles. Les désespérés ont eu l'occasion de passer un message signé à l'intention de leur colocataire négligent en guise d'extrême avertissement sur un panneau d'affichage numérique qui dénonçait les méfaits. Et ça a été retransmis en direct sur Facebook et sur le site de l'annonceur. Donc, par exemple, on a un message qui dit « Kira nettoie la cuisine, Félix ramasse tes graines de toast, Sébastien est encore oublié de ramasser ta vaisselle, Raphaël est encore oublié de je sais pas trop quoi, Hector sort les vidanges. » Et c'est tout à signer en dessous tes colocs ou ton coloc avec le nom de la personne pour que les gens puissent se reconnaître. Pas pire, hein? Initiative qui visait à créer une relation avec les 20-34 ans. Ça dit qu'ils sont très présents sur différentes plateformes numériques et peu réceptifs aux approches publicitaires communes. Donc, il faut être connecté, faire preuve d'originalité et d'audace afin de les atteindre. on va terminer avec celui-là, je pense. Oui. Ah, South Park, qui a inspiré un concours de flatulence à Ubisoft. Ah, mais non, voyons. Je te jure. Afin de promouvoir le nouveau jeu vidéo South Park, l'annale du destin, Ubisoft et l'agence française Buzzman ont imaginé un concours pour le moins inusité. Ubisoft a créé un site consacré à l'opération afin d'inviter les gens à enregistrer et à envoyer leur meilleure flatulence pour trouver celle qui sera utilisée officiellement dans le nouveau jeu de rôle inspiré de l'univers du dessin animé. Les participants avaient jusqu'au 16 octobre pour envoyer leur œuvre. Un jury qui évaluait ensuite méticuleusement les candidatures reçues. Le gagnant qui est invité à San Francisco afin d'enregistrer sa création. Ubisoft avait annoncé le jeu il y a plus d'un an, en dévoilant le Nautilus Rift, un masque de réalité olfactive qui avait la particularité de retranscrire les odeurs de flatulence du héros dans le but de permettre aux joueurs de vivre une expérience réellement immersive. Hein, de la grande maturité. Hey, wow! Ok, oui. Ah, ok, une dernière. Activation de la semaine, c'est des cabines pour faire vivre l'expérience Yves Rocher. Donc, c'est InfoPresse qui nous a sélectionné donc, une commandite qui s'est démarquée par sa stratégie innovante. Yves Rocher et Mosaïque Montréal ont imaginé une tournée expérientielle où les consommateurs étaient invités à venir en boutique pour découvrir différents produits dans l'intimité d'une cabine. Donc, la marque française établie au Québec souhaitait se positionner comme une pionnière dans le soin du visage et de la peau au-delà des frontières. Elle a ainsi installé des cabines intimes dans 4 de ses boutiques de la région torontoise. Des cabines qui ont été implantées à l'entrée des succursales afin de créer un espace intime favorable à l'analyse de la peau. Les clients étaient invités à entrer dans cet endroit aux allures de laboratoire végétal en compagnie d'une spécialiste dans le but de faire diagnostiquer l'état de leur peau et ainsi se faire prescrire la gamme appropriée de produits. Chaque cabine était positionnée sur la ligne qui délimitait la boutique et le centre commercial. Un ambassadeur de la marque se trouvait sur place pour inciter les passants à venir vivre l'expérience. Et pendant toute l'expérience, l'utilisation d'une tablette permettait de collecter l'information envoyée par courriel aux participants. Ces derniers étaient ensuite invités à revenir 2 semaines plus tard pour valider l'efficacité du traitement. On essaie d'attirer une clientèle plus jeune de par la démarche scientifique, végétale et environnementale. Des beaux petits spots, là, ça ressemble à un café Morgan. Tu sais, les petits Trois-Rivières-Ouest. Trois-Rivières-Ouest, oui. Des bulles Internet, là, c'est un peu la même chose. Pour Yves Rocher. Voilà pour le bloc pub. On écoute un petit peu de musique. Oui. Des fois, je me dis, ah, c'est assez. Mm-hmm. Oh, ça va faire. Comme ben toi, ouais. Donc, on écoute Dur Cœur. Voici Assez, c'est assez. À son âge requis. Au 89 FM. sur cœur. Assez, c'est assez. À son œuvre qui, au retour, Tania is gonna entertain ya. Vous êtes assez fou. Pour l'écouter. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Troisième heure d'assemblage requis en ce jeudi matin, 9 novembre 2017, Tania Baudin. Et Mathieu Plante. On l'a dit tantôt, dans quelques instants, ça va être Tania is gonna entertain ya, mais comme on a du temps et qu'on a envie des fois d'écouter un petit peu de musique, ben au moins un peu, écoutons une nouvelle entrée de Maono. Maono! C'est très court, c'est très calme, c'est très bon. Voici Comme à assemblage requis. Assemblage requis. Dans une demi-heure environ, on va avoir la visite pour une grosse pointe à l'adresse. Ouh, c'est vrai! Mais avant ça, c'est Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya. C'est jeudi, donc c'est le tour de l'actualité selon tes propres yeux. Exactement, et on commence tout ça avec la nouvelle mairesse de Montréal. La nouvelle mairesse de Montréal. Parce que, bon, cette semaine, on se rappelle, elle a fait quand même, elle a basé sa campagne électorale sur le fait qu'il allait avoir une nouvelle ligne de métro à Montréal. Par la suite, elle est sortie en disant qu'elle n'avait jamais rien promis et que c'était quelque chose qui pouvait ne pas se faire si le projet n'aboutissait pas. C'est comme le mur entre le Mexique et les États-Unis? Ça ressemble à ça. Donc, ce matin, on parle de la ligne rose, en fait, en disant que la Banque de l'infrastructure du Canada pourrait intervenir dans le projet. Ottawa a décidé de ne pas exclure le projet de ligne rose du métro de Montréal et on accepte que ce soit financé en partie par la Banque de l'infrastructure du Canada parce que ça pourrait rentabiliser l'investissement grâce à la plus-value foncière autour des futures stations. Donc, le ministre de l'infrastructure et des collectivités, Amarjad Sohi, j'espère que mon arabe était correct, a évoqué hier divers scénarios qui concernaient justement la promesse de la nouvelle mairesse qui est Valérie Plante. En passant, elle a fait ses études à Trois-Rivières au secondaire, en secondaire 5, et sa mère vit toujours ici à Trois-Rivières. Quelle école? Séminaire Saint-Joseph. Ah, bon. Donc, j'imagine que Trois-Rivières peut avoir une certaine fierté. Mmh. Donc, on va être dans l'obligation de générer des recettes avec profit pour les investisseurs de ce projet-là. On pourrait notamment s'y intéresser du côté de la Banque de l'infrastructure du Canada, comme je le disais tout à l'heure. Et les rendements qui sont recherchés par la banque pourraient prendre diverses formes. Dans le cas de la ligne rose, on pourrait s'agir d'une hausse de la valeur des propriétés autour des stations. Il pourrait y avoir aussi une variété d'autres sources de financement. Donc, sur les plans actuels, la Banque d'infrastructure du Canada va investir, pourrait investir, on se rappelle, pourrait. Conditionnellement. Tout ce que je vais dire va être au conditionnel, considérant le fait que la ligne rose n'est pas quelque chose de coulé dans le béton. Eh bien, on pourrait investir 35 milliards dans des projets d'infrastructure qui vont être transformateurs à l'échelle du Canada. Et l'organisme qui va être mis sur pied d'ici la fin de l'année va fonctionner grâce à des fonds fédéraux. Il va tenter aussi d'attirer des investisseurs institutionnels de secteur privé. On offre en fait aux promoteurs de projets fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux une option additionnelle pour justement mettre de l'avant des projets qui pourraient permettre de générer des revenus. Et c'est un petit peu l'option qu'on a vue avec la ligne rose que Valérie Plante nous a proposée tout au long de sa campagne électorale. Et Projet Montréal, justement le parti de Valérie Plante, évalue à 5,9 milliards les coûts de construction de la ligne rose. Le nouveau tronçon va s'étendre ou s'étendrait au conditionnel sur 29 km entre Montréal-Nord, le centre-ville et la Chine. Donc, ça traverserait plusieurs secteurs. Ça traverserait la planète, non? Ben, quasiment. Pas cette Chine-là. Ça traverserait plusieurs secteurs densément peuplés qui ont quand même parfois de la difficulté à aller rejoindre les autres lignes de métro. Donc, le porte-parole de Projet Montréal, Marc-André Viau, a réitéré hier que son parti était flexible quant aux sources de financement de la ligne rose, y compris une participation de la Banque d'infrastructure du Canada. Toutes les options sont sur la table présentement pour cette ligne de métro-là. C'est sûr, on veut arriver à faire en sorte qu'on va mettre en branle ce fameux projet-là. On veut un résultat. Ben, on veut un résultat, puis c'est pas mal surtout là-dessus que tu as basé ta campagne au grand complet. Ouais. Pour une bonne partie de ta campagne. Alors, si jamais ce projet-là tombe à l'eau, c'est sûr qu'il va y avoir certaines répercussions pour la nouvelle mairesse de Montréal. Qu'est-ce que tu penses de la couleur rose instaurée par une femme? Est-ce que tu trouves ça cliché un peu? Oui. Bon, voilà. Je suis que tu le confirmes. Je sais pas pourquoi elle est rose. Elle aurait pu être brune. Il y a peut-être déjà une ligne brune, par contre. Non. Il y a une ligne orange, une ligne jaune, une ligne verte et une ligne bleue. Oh, mais c'est beaucoup trop facile. Si tu dis une ligne brune, les journaux vont dire que c'est une idée de... T'as pas le choix, là. Ben, je sais pas. Elle aurait pu être... Arc-en-ciel, il y a déjà orange. Elle aurait pu être mauve. Mauve? Ça aurait été aussi cliché, non? Tu sais? Ah non, mauve, c'est riche. C'est ça? Ouais, c'est ça, c'est riche. Montrer que Montréal, on est une ville riche. C'est ça! Donc, les entreprises devront se doter d'une politique sur le harcèlement sexuel prochainement parce qu'il y a 260 000 entreprises québécoises qui sont tenues de se doter d'une politique pour contrer le harcèlement sexuel au travail. Les employés qui sont victimes d'inconduites sexuelles à leur emploi vont avoir sous la main une définition de ce qui constitue une inconduite et une procédure claire qui va décrire explicitement le cheminement pour pouvoir porter plainte à l'intérieur de la compagnie. On s'entend que dans les derniers temps, c'est pas mal tout ce qu'on entend parler. Le harcèlement sexuel, ça sort, ça arrête plus de sortir. Même Sophie Préjean, maintenant, est pointée du doigt par ses propos qui étaient plus ou moins très bien placés. Un peu la défense. De... oui, exactement. Donc, il y a des dispositions qui vont faire partie de la réforme de la loi sur les normes du travail qui va être déposée avant les fêtes par la ministre du Travail, qui est Mme Dominique Vien. Et selon les sources de la presse, la mesure veut répondre à une revendication de longue date des groupes féministes qui voulaient que le harcèlement sexuel soit traité de façon distincte du harcèlement psychologique qui est déjà inscrit depuis la loi, dans la loi depuis 15 ans. Par contre, on n'avait rien sur la loi sur l'harcèlement sexuel. Tout était basé sur l'harcèlement psychologique. Donc, actuellement, la loi ne mentionne pas de façon explicite l'harcèlement sexuel dans la loi pour les compagnies et tout ça. Donc, celui-ci est inclus dans la définition législative du harcèlement psychologique. Mais on s'entend que ça peut être autre chose aussi. Donc, les employeurs sont tenus ou vont être tenus, en fait, de se doter d'une politique d'action en cas d'harcèlement sexuel et d'en informer les employés. C'est ça qui va être mis de l'avant, de pouvoir justement donner une certaine formation sur cette nouvelle loi-là. Et comme bien des petites entreprises n'ont pas nécessairement les moyens de payer des spécialistes ou encore des avocats qui vont adopter un plan de match uniformisé qui va être diffusé par les commissions des normes, mais c'est un petit peu ce qu'on veut faire avec tout ça. On veut rendre les choses beaucoup plus faciles pour les employés féminines, les employés masculines ou peu importe, tout simplement mettre en branle quelque chose qui va faire, bon, si ça arrive, il y a une façon de porter plainte et c'est ça. Chose qui n'existe quasi nulle part présentement dans les milieux de travail. Et pourtant, la plupart du temps, les endroits où on va voir certains actes d'harcèlement sexuel, c'est dans les emplois. Donc, bonne chose, je pense, de mettre ça de l'avant. Même avant les fêtes, essayer de justement faire partir ces dispositions-là avant les fêtes pour que lorsqu'on vienne au retour des fêtes, on est déjà qu'à un semblant de quelque chose sur lequel se baser à l'intérieur de nos compagnies. C'est important. Et à Québec, on insiste que les modifications étaient prévues avant la cascade de dénonciations des dernières semaines qu'on a vues sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les nouvelles. Ça a juste moins fait parler. Ça a moins fait parler. On a incité cette semaine le gouvernement Trudeau à poser un geste qui était rapide et aussi à regrouper une série de mesures jusqu'alors éparpillées un petit peu dans le Code canadien du travail. Et le projet de loi d'Ottawa va s'appliquer à l'ensemble de l'administration fédérale, de même qu'au secteur de compétences fédérales comme les banques, les télécommunications, tout ce qui englobe là, vraiment là, les emplois, les compagnies. Et à Québec, les modifications vont toucher avant tout les entreprises qui sont non syndiquées. Ah. Donc, c'est une bonne chose parce que à un certain point, les syndicats savent un petit peu se revirer de bord quand quelque chose comme ça arrive. Lorsqu'on est non syndiqué, c'est un petit peu plus difficile de pouvoir dire « Hey! » Le gars là-bas, là, ouais, ou la fille seule. Là-bas, ou c'est ça, exactement. Donc, pour celles qui ont une convention collective, on prévoit des réponses à ces cas de harcèlement, les plaintes qui sont accueillies par les syndicats, justement, mais lorsqu'on n'en a pas, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va avoir des nouvelles règles de jeu très bientôt, et un employé va pouvoir porter plainte sans mettre son emploi en danger. Ça a été long, mais... chose qui était censée être normale, ben logique, oui, hein. Depuis des années, mais c'est au moins bien de voir que les choses vont être travaillées rapidement. Voilà. Si on reste un petit peu dans le même... dans la même... sphère d'idées, okay. Je pourrais dire ça comme le ça. Le lourd? Moins le lourd ou l'inconfortable au niveau sexuel ou en tout cas, la discrimination sexuelle, en fait, c'est quelque chose qu'on voit en science. Et ça va être discuté très bientôt, donc... en fait, ça a été discuté, là, parce que, bon, j'ai fait mes recherches tout au long de la semaine. Oui, oui, oui. Alors, il y avait un congrès du côté de Montréal qui s'appelait la série Gender Summit. C'était du 6 au 8 novembre. C'était le 11e congrès de cette série-là. Et c'était le premier événement de genre qui était organisé au Canada. Donc, il y a plus de 600 chercheurs qui étaient attendus à l'hôtel Sheraton pour 3 jours de conférences, 3 jours de débats sur divers enjeux qui entourent l'égalité des sexes dans le domaine des sciences. On s'en rend pas tout en compte, mais ça aussi, c'est quelque chose qui existe. Donc, pour la toute première fois, le congrès était aussi sur la discrimination, sur l'orientation sexuelle dans les recherches scientifiques. Et depuis 2011, on voit ces conférences-là, dites internationales, se rassembler et rassembler des centaines de chercheurs qui tentent justement de faire progresser l'égalité dans des genres, dans la recherche, mais aussi dans l'innovation. Donc, le thème de l'événement montréalais, c'était « Adopter le pluralisme et prospérer grâce à la diversité, façonner les sciences et l'innovation. » Toujours donc, trop long pour rien. C'est tellement long. Mais l'événement est organisé par le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et le Fonds de recherche du Québec. Et Maryse Lassonde, qui est directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec et co-organisatrice du congrès, souhaitait d'ailleurs que le Canada puisse adopter cette semaine la charte Athena Swan sur l'égalité des sexes dans les institutions universitaires, plus précisément dans le monde de la recherche scientifique. Et c'est une charte élaborée en Grande-Bretagne qui attribue des niveaux bronze, argent ou encore or aux institutions universitaires selon l'évaluation de leur politique d'inclusion, chose qui est quand même assez intéressante à voir dans un domaine scolaire. C'est pas quelque chose à laquelle on aurait certainement pensé. Et les institutions peuvent même perdre leur financement si on n'obtient pas au moins le niveau bronze, chose à laquelle on pense pas nécessairement tout le temps, mais c'est assez important d'inclure les femmes dans le monde de la science maintenant. Oui. Et c'est une charte qui aurait déjà été adoptée, entre autres, en Australie et qui serait sur le point d'être appliquée aux États-Unis. Donc, nous, au niveau du Canada, au niveau du Québec, c'était une bonne chose qu'on décide justement d'appliquer cette loi-là, ce projet, en fait, cette charte. Et on parle aussi de discrimination sexuelle. Donc, on a voulu participer à de nombreux événements lors de cette conférence-là. On a éveillé toutes les injustices, tous les biais qui existent toujours concernant les femmes en sciences, parce que c'est encore un petit peu légèrement tabou. Ce qu'on finance dans tout ça, ce sont des chercheuses et des chercheurs dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Et il y a juste 20% de femmes qui font des demandes en sciences présentement. On trouve que c'est un bon chiffre, mais c'est quand même pas ce qu'on pourrait avoir s'il y avait pas tant de discrimination sexuelle à ce niveau-là. Alors, on voit, en tout cas, moi, j'ai vu une certaine différence, surtout du côté pharmaceutique, du côté technologique aussi. On en voit de plus en plus. C'est le fun, mais il faut que ça continue. Il faut pas que ça arrête. Alors, c'est pourquoi le genre de congrès comme ça continue à arriver. Surtout parler de discrimination sexuelle, parler aussi d'un petit peu d'injustice à ce niveau-là dans un domaine spécialisé, c'est toujours bon de se garder au courant. Oui. Je pense que... très d'accord avec toi. Exactement. Et arrêtez un jour de dire discrimination sexuelle parce que c'est pas juste une question de sexe, mais une question de genre. Tout à fait. Je suis bien d'accord avec toi. Je vais essayer d'y aller quand même assez rapidement. Uber, cette fameuse compagnie qu'on a entendu parler pendant si longtemps. Le taxi, pas taxi. Il y a pas si longtemps, en fait. On a décidé de faire équipe avec la NASA. Oui. Parce que petit projet qui s'en vient, on voudrait développer certains taxis aériens. Wow! On a dévoilé mercredi, donc hier, un partenariat avec la NASA pour mettre au point des taxis volants que le géant du covoiturage promet économes et un système de contrôle du trafic aérien à basse altitude. Donc, l'entreprise a aussi signalé que Los Angeles serait ajouté aux deux autres sites pilotes qui ont déjà été annoncés, Dallas, Fort Worth au Texas et l'Émirate de Dubaï. Donc, c'est les deux places présentement qui sont visées pour le commencement de ce projet-là. Et la métropole californienne pourrait donc bientôt ressembler à l'image qu'en donnait le cinéaste Ridley Scott dans son film Blade Runner, avec des véhicules volants pour couper court à des embouteillages. On a aussi vu ça dans un film avec... oh mon Dieu, c'est pas le sixième élément? Il y a justement des taxis volants comme ça. Ça va juste faire des embouteillages et sur la route et dans les airs. Donc, avec la Californie, le Texas et l'État américain, on parle d'un gros parc automobile qui pourrait se développer à ce niveau-là. Et la participation d'Hubert au projet sur la gestion du trafic des véhicules sans pilote. On parle de drones aussi avec la NASA. C'est quelque chose qui devrait aider la société à atteindre son objectif de démarrer des vols d'Uber Air dans plusieurs villes américaines d'ici 2020. C'est tellement proche, là. Oui. C'est 3 ans. Mmh. Peut-être même moins que 3 ans parce qu'on arrive en 2018. Donc, je trouve que c'est rapide pour pouvoir dire qu'on va commencer justement à avoir des vols Uber Air, mais quand même, c'est des projets comme ceux-là qui font avancer les choses, donc ça peut être une bonne chose. Et Uber veut aussi explorer d'autres possibilités de collaborer avec la NASA sur d'autres projets. Et la NASA se dit pas fermée là, à ces projets-là. Au contraire, on est vraiment très intéressés. Donc, les premiers vols de démonstration sont prévus en 2020 et le passage à la phase commerciale 2023 avec en vue les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Wow! On a un plan précis. Oui. On aime ça. Des affaires, clairement. On veut voir des choses, des résultats. En même temps, on va le craindre, on va le voir. C'est ça, exactement. Donc, les vols vont avoir quand même un pilote. Il faut garder ça en tête. Dans un premier temps, ça pourrait devenir automatisé à l'avenir, mais on veut quand même que les choses soient stables. On veut que les choses soient sécuritaires. C'est donc, en premier temps, on va avoir un pilote à l'intérieur de ces petits taxis ou vols-là. C'est excitant tout ça. C'est ça. TC Media, on a sur une note pas mal plus triste. TC Media a décidé de vendre 21 publications à Ici Media. C'est triste, mais c'est peut-être une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle aussi. C'est une transaction, en fait, qui mène à la création de plus grands groupes indépendants de journaux régionaux au Québec. C'est Le Devoir qui en a parlé un petit peu plus tôt ce matin. Donc, quand Transcontinental a réalisé mercredi la vente de 21 de ses publications à l'entreprise Ici Media. En fait, ça représente à ce jour la plus grosse transaction dans le processus de désengagement de l'imprimeur de ses journaux locaux et régionaux aussi au Québec et en Ontario. Donc, c'est immense comme transaction. Et parmi les publications qui vont changer demain, on note d'ailleurs le Canada français, La Voix du Sud, le Courrier Frontenac, Boss Media, le Progrès de Quaticook, le Reflet du Lac, le Granby Express et plusieurs autres. Donc, la transaction inclut également le site d'avis de décès inmemoriam.ca. Ici Média Incorporé, c'est présidé par Renel Bouchard. Ça a comme directeur général Marc-Noël Ouellet. Et M. Bouchard a déjà été actionnaire du groupe Le Canada français. Donc, on se lance pas dans quelque chose d'inconnu quand même. On fait partie de l'équipe de direction de TC Média. On en a fait partie pendant plus de 15 ans. Donc, la transaction va faire en sorte que 140 employés déjà en poste dans les 21 journaux vont être transférés chez Ici Média, en plus de 28 travailleurs de la production de TC Média. On se rappelle ici à Trois-Rivières, TC Média, ça fait déjà un bon bout de temps qu'on l'a perdu. Peut-être est-ce qu'on va pouvoir voir, peut-être, un jour, la possibilité de revoir TC... Ben, ça s'appellerait plus TC Média, là, mais une imprimerie comme ça dans la ville. Je sais pas. Hein. Je sais pas, mais on se rappelle le nombre de personnes qui avaient perdu leur emploi à la suite de cette perte-là. Ouais. T'as pas parlé de. Je sais que t'as parlé de plusieurs médias, de différents journaux dans différentes régions. T'as pas mentionné ceux de la Mauricie, mais ils sont là-dedans aussi. Donc, les deux journaux, les deux du Saint-Maurice, le Courrier Sud, l'Écho de Masquinongé, l'Écho de Latuc sont aussi chez Ici Média. Et c'est par le fait même la troisième compagnie, au moins dans le coin, qui s'appelle Ici quelque chose. Donc, t'as Ici Radio-Canada. T'as Ici la chaîne culturelle à Montréal, Ici TV, et t'as Ici Média pour les journaux. Mais toutes trois affaires qui vont pas ensemble, mais qui s'appellent Ici, c'est je comme... Je sais, hein? C'est un petit peu pas très original, mais c'est comme ça. Hein? Mais bon. Ici. Hein? C'est des choses c'est qui arrivent. Et on finit tout ça, Mathieu, on finit le tour de l'actualité avec quelque chose dont tu as discuté en début d'émission. Hein? Un jeu similaire à Pokémon Go va bientôt être disponible. La même compagnie. Vous allez me voir courir partout dans la ville de Trois-Rivières en criant... À la Kazoom. En tout cas, hein, ça n'aura pas de bon sens. C'est la compagnie Niantic qui promet des mises à jour sur le projet de ses médias sociaux. En fait, attention, fans de Pokémon Go ou fans de films. Surtout d'Harry Potter. Ouf, exactement. Les livres aussi. Il y a un nouveau jeu de réalité augmentée qui s'en vient. Niantic Labs de Warner Bros. Interactive et Porky Games vont développer un jeu similaire à Pokémon Go, mais en version... Harry Potter! Donc, le premier jeu de réalité intégrée, c'était Pokémon Go, il faut le dire, avec le lancement là, de la petite boule pour attraper des choses. Si la date exacte du jeu intitulé Harry Potter Wizards Unite, on devrait sortir en 2018. OK. On devrait sortir en 2018. Ça a été plus accrocheur à Harry Potter Go. Je sais, hein, mais j'imagine qu'on peut pas. J'imagine qu'il y avait un brevet sur Pokémon Go. Donc, la compagnie Niantic annonce que le jeu de réalité augmentée va offrir aux joueurs la chance de faire l'expérience de l'univers J.K. Rowling. Les joueurs vont pouvoir lancer des sorts, explorer leur quartier et leur ville pour y découvrir des bêtes légendaires. Ils vont aussi pouvoir se battre contre elles, seuls ou en équipe. Oh, oui. Donc, tu peux te trouver là, une Hermione puis un Ron. Trouve-toi un Amérou, ça presse. C'est pas... Puis, vous allez pouvoir courir après les bibittes. Donc, c'est un jeu, comme on le disait, de réalité avancée. Mais qui a été développé avec Warner Bros. Games San Francisco. Et Harry Potter va utiliser toutes les compétences de la plateforme Niantic tout en innovant avec de nouvelles technologies. Donc, on devrait voir de nouvelles choses qu'on n'avait pas nécessairement avec Pokémon Go. Et on promet aussi des mises à jour sur le projet, sur ses médias sociaux. Trouvez-vous un ami roux? Hey, ben certain. Ça te prend une équipe, ça te prend une fille, ça te prend un gars à lunettes, puis un roux. Ben oui, c'est ça. Je te jure, je m'en trouve tout de suite. Veux-tu être mon Harry Potter, t'as des lunettes? Ok, oui. Ok. Ok. Parfait. Parfait. On ira chasser les démons. En 2018. Oui, 2018. À la Casum. Je vous le dis là, ça va être malade. En tout cas, si ça voit le jour cette affaire là. Ouais. Ben, ça fait si longtemps qu'on en a mangé une idée. Je vais crier Lumos partout dans le centre-ville. J'ai hâte de voir ça. Merci. J'espère, moi aussi. On fait le tour de l'actualité les jeudis à Assemblage Requis. Hey, avoue que ça finit bien, un topo d'actualité, tout ça. Vraiment. Après un commencement difficile avec les harcèlements sexuels. C'est vrai? Rien de moins que de terminer avec la lueur et la lumière d'Harry Potter. Tu parles bien. Ah, merci. La poésie. Tanias Golan, Julien Tribatin, Assemblage Requis. On prend pause, au retour, invité surprise pour goûter à quelque chose avec nous dans une grosse pointe en dresse dans 2 minutes. Pour l'écouter. 89.1. Toujours à Assemblage Requis, on se jeudi 9 novembre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. Mmh. On a ramené notre amie Véronique Mire de la chronique Véronique Lepézy tantôt. Salut! Hey, salut! En fait, je suis très, très content que tu sois là parce que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, principalement pour Tania. Oh! Ah, d'accord. Ouais, je vais te scraper ton début de matinée. Comment parce ça? Parce qu'en fait, les plans ont dû changer. Je vais vous raconter l'histoire behind the scenes. Ouais. J'avais prévu une chronique pour aujourd'hui avec Stéphanie Paradis et avec toi, Tania. Les plans sont tombés à l'eau avec Stéphanie, donc j'ai dû remplacer subtilement par un autre produit, mais ce produit-là ne peut pas être goûté par Tania. Ah! Moi, je sais, déception. Maudite chose! Fait que ça gâche pas mal tout. Il fallait trouver quelqu'un d'autre et heureusement, Véronique Mire s'est proposée. Donc, une chance que t'es là. Tania va nous regarder en salivant, en attendant son burrito dans une demi-heure. Oui, tout à fait. Mais au moins, quand même. Un burrito au saumon? Non! bacon ou à saucisse. Le burrito du déjeuner McDo? Ouais. Non, ça, non, celui de la chasse-galerie, en fait. McDo? McDo. C'est donc bien insultant, ça. donc, voici notre segment culinaire cheap. Une grosse pointe all rest.

Ben, c'est intéressant. Moi, j'aime ça goûter des choses différentes. Fait moi aussi, que, ben, c'est ça. C'est le but de la chronique. C'est clair que je rachèterai jamais ça, mais c'est la trop. Donc, c'est une bière française à saveur de raisin. Puis à 9h30 du matin, tu sais, il n'y a pas d'heure. Hein? Hey, on a essayé du gin là, quelques semaines. La semaine passée avec Alex Marchand, du gin à 8h le matin. Wow. On est en moi et Alex. Bref, les gars marchaient croche après notre soirée. C'est ça. Fallait goûter toute la bouteille pour être sûr qu'il n'y avait pas un goût qui changeait en ça. Cours. Justement, restons dans le domaine de l'alcool un petit peu avec les nouvelles de fast-food. Parlons d'un homme qui faisait de la bière dans ses intestins. Oh, bon. Ah. C'est l'Américain de 61 ans qui s'est présenté aux urgences pour cause de vertige. L'éthylomètre révélait une alcoolémie de 3,7 grammes par litre. Ah. Ouais, pourtant, l'individu promet qu'il n'a pas bu une seule goutte d'alcool. Est-il menteur? Est-il victime d'un syndrome rare? Ben oui, c'est le syndrome rare, quand même. Un sexagénaire qui était ivre alors même qu'il affirmait n'avoir rien bu. D'où venait cet alcool? Eh bien, les résultats de cette enquête sont parus dans l'International Journal of Clinical Medicine. C'est en novembre 2009 que ça se passe, un homme qui se présente aux urgences d'un hôpital texan. En revenant de l'église, il raconte souffrir de vertiges importants. Les symptômes classiques d'intoxication alcoolique, l'éthylomètre est sans appel, 7 fois plus que ce qui est autorisé pour conduire de 0,5 g par litre. Là-bas. Aurait-il abusé du vin de messe? Ben non, un cas étrange qui interpelle Barbara Cordell du Panola College et Justin McCarthy, gastro-entérologue de la ville de Lubbock. En discutant avec lui, ils apprennent que l'homme a subi une opération du pied qui l'a obligé à prendre par la suite un traitement antibiotique. Depuis, il disait se sentir mal après avoir bu deux bières et ressentait même l'ébriété sans avoir consommé d'alcool. C'est alors que son épouse, intriguée par la question, a expliqué avoir mené ses propres recherches et suppose que son mari souffre du syndrome de fermentation intestinale. Ah. Un trouble rare et très peu documenté. Alors, en avril 2010, le protagoniste est invité à revenir pour participer à une petite expérience afin de vérifier l'hypothèse. Il est placé dans une chambre et interdit de visite. Ses affaires sont fouillées de manière à s'assurer qu'aucune fiole d'alcool n'y est cachée. Ainsi isolé pendant 24 heures, le patient reçoit une alimentation riche en sucre, avec notamment des friandises. Toutes les deux heures, l'alcoolémie est évaluée par un éthylomètre. Verdict, son taux d'alcool dans le sang est monté jusqu'à 1,2 g par litre. Hein? Des prélèvements révèlent la présence dans ses intestins d'une levure, la Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae, quelque chose de genre. Champignon unicellulaire qui est célèbre car il est bien utilisé par les boulangers pour faire lever le pain. Aussi bien que par les brasseurs pour alcooliser la bière. D'ailleurs, cerevisiae et cervoise ont la même étymologie, ça vient de la même place. Ben voyons donc. Retrouvée fréquemment, cette levure n'est normalement pas pathogène car elle ne fait que transiter dans le tube digestif. Malheureusement pour cet Américain, les antibiotiques utilisés après son opération ont probablement débarrassé son tube digestif d'une bonne partie de sa flore intestinale. Le champignon a donc profité du vide pour coloniser les lieux. Aïe aïe aïe. Ainsi, à chaque fois que cet homme consommait sucré, donc friandises, pâtes, pommes de terre, soda, les levures transformer le glucose en éthanol pour produire l'énergie nécessaire à leur métabolisme. Voilà pourquoi l'alcoolémie montait parfois en flèche. 6 semaines de régime sans sucre combinées à un antifongique ont eu raison finalement des levures. Dans la littérature scientifique, seules quelques situations similaires ont été rapportées. Dans les années 70, une bonne douzaine de cas avaient été décrits dans 2 études, mais sur les 30 dernières années, on en dénombre moins qu'il n'y a de doigts sur une seule main. Ben là, mon cerveau, il a explosé. Ouais. Parce qu'il y a deux affaires dans cette nouvelle-là qui sont vraiment incroyables. Tu manges des bonbons puis tu produis ta propre bière. C'est comme deux affaires que j'aime bien, moi. Sauf que, tu sais, je le ferais pendant 2 jours la fin de semaine. Peut-être pas la semaine. Hein? Ouais, hein? Ah, l'Halloween doit être merveilleux. C'est quand même spécial. OK. Ah, on reste dans l'insolite un petit peu. La réglisse, c'est un bonbon, vous le savez, qui est pas bon pour le cœur, par contre. La consommation de bonbons est allée à fond à la caisse depuis les dernières semaines avec l'Halloween et les rabais. Mais certaines de ces sucreries sont déconseillées aux adultes souffrant de problèmes cardiovasculaires. La Food and Drug Administration aux États-Unis explique dans un communiqué que les bonbons à la réglisse contiennent de l'acide glycyrrhizique qui réduit le taux de potassium dans l'organisme et favorise l'arythmie cardiaque, l'hypertension, voire l'insuffisance cardiaque. En 2011, c'était Futura Science qui nous rappelait que la FDA recommandait d'éviter la consommation de réglisse après 40 ans. Hein? Après 40 ans, on s'en rappelle. Toute forme de réglisse, là, les Nibs, les Twizzlers, toute la patente. Ouais. Toutes les marques. Ah. Donc, la FDA conseille aux personnes ayant dépassé les 40 ans de limiter leur consommation de réglisse car elle pourrait causer une arythmie cardiaque. Cet avertissement concerne les bonbons à la réglisse de couleur noire. Les bonbons d'autres couleurs disposent d'une concentration très faible en réglisse. Cette plante contient un composé appelé acide glycyrrhizique, un principe actif donnant le goût sucré au bâton de réglisse qui peut faire chuter le taux de potassium dans le corps. Chez certaines personnes, la baisse rapide de potassium peut entraîner une irrégularité des battements de cœur, une forte tension artérielle, des gonflements, un état de somnolence et des insuffisances cardiaques. Et ça s'applique surtout aux personnes de plus de 40 ans. Le fait de consommer 60 grammes de réglisse par jour pendant 2 semaines peut envoyer certains gourmands à l'hôpital. On s'entend que c'est pas mal de réglisse. Bon, père, message à mon père. Pour lâche vrai? La réglisse. Est-ce qu'il en mange 60 grammes par jour pendant 2 semaines? Non, je suis pas certaine. C'est, mais mon père est un amateur de réglisse. Ma mère aussi, ouais. Tu sais. Ah oui, c'est rare qu'on entend ça. La réglisse qui provient de Turquie et d'Asie. C'est un ingrédient prisé de la médecine chinoise traditionnelle, mais aussi de la médecine occidentale. Elle est utilisée pour traiter les brûlures d'estomac, les ulcères d'estomac, les bronchites, les maux de gorge et certaines infections comme les hépatites, oui. Mais les scientifiques peinent à se mettre d'accord sur les propriétés et les méfaits de cette plante. Certaines études montrent que les dérivés de réglisse peuvent être utilisés pour prévenir certains cancers, traiter l'addiction ou la dépendance à la cocaïne, mais peuvent aussi réduire les QI des bébés en utéro et in utero. Les QI des bébés, ah! Oui! Zut! On dit... Fait qu'il va toucher son nez avec son doigt plus tard dans sa vie. Ah oui, pour les tests de l'alcoolémie. Oui, je comprends. J'essaie de faire le lien. Peu importe votre âge, donc on évite de consommer de la réglisse noire en grande quantité d'un seul coup. La réglisse peut interagir avec les médicaments, les compléments alimentaires, les plantes médicinales. Et si vous consommez de la réglisse noire en grande quantité et que vous remarquez une arythmie de votre cœur, arrêtez immédiatement d'en manger et contactez un médecin. Mon Dieu, c'est donc bien inquiétant. C'est spécial. Sérieux, hein? Mais noir, toi, ton père, est-ce qu'il mange beaucoup de réglisse noire? Non, mais ma mère, la réglisse noire, elle adore. L'anis, hein, y a beaucoup de gens qui aiment l'anis. Il y a des boissons à l'anis que tu mets dans l'eau. Ça m'a pris vraiment de temps avant d'apprécier le goût de cette affaire-là. Je peux l'apprécier, mais pas en grande quantité. Non, c'est ça. Ouais. Ensuite, ça, c'est vraiment intéressant, peut-être pour les étudiants, peut-être pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est que votre cafetière peut faire plus que seulement du café. Ça peut aussi être utilisé, votre cafetière, pour faire des pickles. Des pickles? Des cornichons. Mais voyons donc. Qui, on l'a appris avec Xavier McLeish hier, c'est aussi un prénom qui a été donné en France à plusieurs enfants, cornichon. Oui, cornichon. Cornichon, très beau. Bref, on peut faire ses propres cornichons croustillants en quelques heures en utilisant une très simple recette. Donc, on va transformer sa cafetière en outil de cuisine. On dit donc que pour enlever la saveur de café de votre cafetière, on devrait passer de l'eau mélangée avec 2 cuillerées à table de vinaigre par votre cafetière pour la nettoyer. J'imagine faire la même chose après les cornichons, ça pourrait être pas pire aussi, si vous voulez, faire du café. Donc, ingrédients. 3 tasses d'eau, 5, 2 tasses de vinaigre blanc, une demi-tasse de sucre granulé. Oui. C'est ça que j'ai dit. Une cuillerée à table de grains de moutarde, une cuillerée à table de grains de coriandre, une cuillerée à table de flocons de chili, une cuillerée à table de sel, ensuite 4 concombres perses en tranches, 2 bell peppers, c'est des poivrons, des piments, c'est ça, en julienne, un quart de tasse d'oignon rouge tranché et 6 branches, est-ce qu'on dit ça, voyons, les cornichons. Ah, de l'aneth. Oui. Frais. Donc, là, bon, les ingrédients sont sur assemblagerequis.com. Je vais vous dire les étapes quand même. On remplit la cafetière de 3 tasses d'eau. On ajoute le vinaigre, le sucre, les graines de moutarde, de coriandre, le chili, le sel à la cafetière. On brasse ça et on place ça sur la cafetière. On allume ça et on la laisse passer, filtrer tout ça. Une fois que c'est fait, on éteint ça et on le mélange en ajoutant les légumes et l'aneth et on place la cafetière au le pot, là, au réfrigérateur pendant 2 heures. On retire les cornichons et on savoure ça directement du réfrigérateur. Intéressant, je trouve. Pas fou, hein? 2h30 environ que ça prend, une demi-heure pour le faire, 2 heures pour quand même. Le mettre au frigo. Utilité de la cafetière autre. C'est surprenant, mais c'est comme ça. Ensuite, on change complètement de sujet avec des employés de chez Denny's. C'est des restaurants, des diners aux États-Unis qui auraient fait payer, en fait, des clients noirs avant qu'ils mangent. C'est dans l'État de Washington, ils ont perdu leur emploi, j'espère bien, après avoir fait payer des clients noirs avant de recevoir leur repas, selon le Tri-City Herald. C'est Palmer Pelham, qui est blanc, qui s'est plaint sur Facebook. Tu vois l'entraide entre les couleurs, hein? Il a écrit que lui et sa femme sont allés dans un Denny's presque vide dans la ville de Federal Way, dans l'État de Washington. Ils se sont assis immédiatement, mais 4 jeunes hommes noirs sont arrivés après eux. Ils ont attendu 10 minutes pour avoir une table. 2 hommes blancs sont arrivés après les noirs et eux ont eu des sièges immédiatement, donc il y avait clairement quelque chose qui se passait. La serveuse a demandé aux clients noirs de payer avant même que le cuisinier puisse commencer à faire leur nourriture. Et tu es arrivé avec une tunique blanche avec des trous dans face et Denise a annoncé donc que ces personnes-là ont perdu leur emploi après l'incident et ne les a pas identifiés. Une petite enquête, là, ça a pas dû prendre trop de temps, là. Mais ils font plus partie de la compagnie Denise. Ensuite, celui-là, cet article-là, sérieusement, je l'ai depuis des semaines et je le saute parce que j'ai peur un peu d'en parler parce que moi, je pense que ça va affecter bien des gens. Est-ce le bon moment? Es-tu sûr? Je sais pas, je vais m'essayer. Vous allez me dire après ça, je n'aurais pas dû le faire du tout. Mais c'est les plats qu'on devrait essayer dans certains grands restaurants selon les gens qui travaillent là-bas. OK. Ouais. Hey, c'est en Mauricie? C'est en général. C'est des grands restaurants. On va parler surtout de ceux qu'on connaît. C'est sur Reddit qui nous parle donc de comment, de ce qu'on devrait éviter dans les grandes chaînes de restaurants selon les gens qui y travaillent. Donc, si vous n'aimez pas les maladies dans les plats, peut-être des trucs peut-être pourris, hein? On dit qu'on devrait faire attention au breuvage. C'est une histoire horrifiante pour moi, hein? On dit que la liqueur, les boissons gazeuses, à chaque endroit où la personne sur Reddit a travaillé, ok, là c'est une personne dans la communauté Reddit.com, là, chaque endroit où il a travaillé, il y avait des moisissures dans la machine à liqueur. Ah, ok, ouais. Mal nettoyé. Il dit là. Que lui, il nettoyait, évidemment, lui dit ça, mais que d'autres, il y avait plusieurs millions de restaurants aux États-Unis, donc il y en a plusieurs qui peut-être ne nettoyaient pas leur machine à liqueur. C'est dégueulasse. Ben oui. Ouais. Ouf. Certains contenants avec une paille de métal dans des restaurants, moi j'ai jamais vu ça, mais ça arrive, ils sont impossibles ou presque à nettoyer l'intérieur, donc il y a pas mal de restants de boissons qui peuvent être pris dans les pailles. J'ai jamais vu ça dans un restaurant ici, mais bon. Ensuite, ce qui est dangereux aussi, c'est la possibilité en fait, on dit que le fast-food devrait pas être trop rapide. Donc on dit que si vous demandez à votre nourriture aux employés chez McDonald's de faire votre nourriture fraîchement, comme dans des frites sans sel, des trucs comme ça. Donc peut-être que vous allez avoir des affaires plus fraîches, c'est ce qu'on nous suggère. Les végétariens devraient faire attention aux surfaces de cuisson et aux ingrédients qui peuvent être entrés en contact dessus. Par exemple, ça peut être du gras de bœuf qui aurait été en contact avec des ailes de poulet, si tu veux pas manger de bœuf, des trucs comme ça. Et ça dit que la sauce de chez PFK pourrait contenir du poulet, donc si jamais vous vouliez acheter de la sauce juste pour pouvoir faire votre recette avec de la sauce mais pas de poulet, il pourrait y avoir des traces de poulet. Bon. Ensuite, on dit que j'essaie d'en chercher un autre qu'on pourrait faire ici. Ben, je pense que la liqueur et le moisi étaient assez pour moi. Je vais arrêter là. L'autre a l'air trop dégueulasse. Ça arrive. Okay. Ça arrive. Ensuite, on va chez Taco Bell qui laisse tomber les services à l'auto dans plus de 300 nouveaux restaurants. Est-ce que vous êtes du genre à prendre le service à l'auto souvent dans les restaurants? Ça dépend du restaurant. Ça dépend. Toi? Moi, j'aime mieux me parquer puis aller en dedans le chercher. Ouais. Ah ouais? Mmh. Ouais. Ouais. J'aime je risque aussi. Ma vie à passer dans la file d'auto. Ouais, c'est ça. Mais... t'as plus de chances d'avoir ce que tu veux qu'au service à l'auto ou des fois tu prends pas le temps de regarder oui, dans ton c'est sac. Vrai. Bref, Taco Bell va ouvrir 300 nouveaux restaurants partout aux États-Unis d'ici 2022, mais ces restaurants-là n'auront pas de service à l'auto. En fait, leur stratégie va être de laisser tomber le service à l'auto et servir de l'alcool aux clients à l'intérieur des restaurants. Donc ça va être fait un petit peu plus style cantina, donc un petit restaurant un petit peu plus cosy comme ça. Ils en ont déjà des cantinas dans Détroit, Nashville et New York, donc on va essayer d'amener ça ailleurs. Et puis les nouveaux endroits vont servir de l'alcool, des slushs entre autres alcoolisés, du vin et de la bière. Je sais pas s'il va y avoir de la bière au raisin. Oh, je sais pas. Il va prendre une autre gorgée, ça. Moi, j'ai fini mon verre. Tu bois vraiment. Il en reste, Véro. En plus, je suis reconnu pour boire très, très rapidement mon alcool. Ah, mais tu parles, toi, c'est pas pareil. Il y a ça. Il fait que j'aime pas tant ça aussi. Ouais, c'est ça. Bref. Alors, on essaie d'attirer un nouveau public, des milléniaux, bien sûr, comme toujours. Ensuite, c'est chez Panera. C'est une chaîne de restaurants aux États-Unis qui. C'est les hauts placés chez Panera qui demandent à leur cadre, je dirais, de manger sur le menu pour enfants pendant une semaine. Donc, c'est le directeur général de chez Panera, Ron Shaik, qui défie maintenant les cadres de manger exclusivement sur le menu pour enfants pour prouver qu'ils aiment vraiment la nourriture qu'ils offrent eux-mêmes. C'est pour tester ça et pour pouvoir dire que oui, c'est bon. Et si c'est pas assez bon, ben de modifier peut-être les recettes ou quelque chose comme ça pour que ce soit ou parfait. Ou parce que ça coûte moins cher. Peut-être, mais non, je pense pas. Tant, les menus pour enfants sont supposés d'être bons parce qu'ils sont tellement difficiles que... Je sais pas, non. Et on dit que Shaik a demandé aux directeurs généraux de Wendy's, McDonald's et Burger King spécifiquement de manger dans le menu pour enfants de chez Panera pour faire le test, les mettre au défi. Et on va voir s'ils vont accepter le défi dans les prochaines semaines. Ensuite, le premier restaurant sous-marin d'Europe qui va ouvrir ses portes en Norvège. Le cabinet d'architecte Snøhetta a annoncé un projet de restaurant sous-marin qui va être installé par 5 mètres de fond sur la côte norvégienne. C'est une première en Europe. En mars 2009, va s'ouvrir le premier restaurant sous-marin d'Europe qui va être installé dans le village de Bali. Pas le Bali qu'on connaît, mais à la pointe sud de la Norvège. Baptisé Under, il a été dessiné par le cabinet d'architecte Snøhetta, à qui on doit maintenant notamment un audacieux projet de tunnel pour bateaux. L'architecture du restaurant est décrite comme un périscope immergé qui plonge depuis le rivage vers le fond de la mer. À 5 mètres de profondeur, les convives pourront apprécier la faune et la flore sous-marine à travers une immense surface vitrée de 11 mètres de large par 4 mètres de haut. Et Under va pouvoir accueillir jusqu'à 100 personnes. Pour résister à la pression et aux assauts des flots, la structure en béton fera un mètre d'épaisseur. La surface extérieure sera laissée brute afin de favoriser l'installation de colonies de moules. Le restaurant sera composé de trois niveaux. L'entrée en surface avec le vestiaire, un bar à champagne qui marque la transition entre la surface et l'eau, avec une vitre verticale qui permettra d'observer le fond marin. Et enfin, la salle de restaurant. En dehors des heures d'ouverture, Under se transformera en centre de recherche ouvert à des scientifiques qui étudieront la biologie marine et le comportement des poissons. Ces experts vont également apporter leur contribution au moment de la construction afin de créer les conditions pour que les poissons et autres animaux marins fréquentent la proximité immédiate du restaurant. Mais c'est une très bonne idée. Mm-hmm. Oui. Les colonies de moules, est-ce que c'est pour mettre sur le menu par la suite? Ah, oh, non! Ben quoi, c'est bon. Ben, oui, mais là, ils veulent que la nature s'approche d'eux, puis après ils vont faire rire. Ah, OK. Je te fais rire. Mais il y en a tellement quand ils s'approchent, les moules, que tu sais... Moulte moule, comme on dit. Moulte moule. Ah, ben c'est le fun comme idée, ça. Oui, voilà pour une grosse pointe d'adresse. C'est tous les liens, bien sûr, qui sont sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission numéro 153. Merci, Véronique Mire. Ben, ça fait plaisir, vraiment. Oui, oui. D'être resté, c'était le fun. Mm-hmm. On se refait ça quand tu veux. D'accord. Quand tu veux. Et Tania, ben la prochaine fois, ben ce sera pas quelque chose d'alcoolisé. Fais ça avec un. Non, c'est pas très, très grave. C'est triste pour toi, ça. Voilà, c'est tout pour Assemblage Requis. Merci encore une fois à Véronique Mire. Merci à Stéphanie Paradis qui va être de retour la semaine prochaine. Et en fait, elle m'a dit que comme elle peut pas être là cette semaine, elle va être là les deux prochaines semaine. Si tout va bien. On aime ça. Si tout va bien, évidemment, avec un enfant, on ne sait jamais. Oui, c'est ça. Demain, bien sûr, nos meilleurs moments dans l'édition week-end. Oui, on va être là entre 7h et 10h. Restez sur nos ondes, sinon, parce que la journée est remplie de belles choses. Dans une heure environ, à 11h, ça va être Patriote en action. Ensuite, nous serons de retour, Tania et moi, pour les Palmarès C'est fou, édition top 5 aujourd'hui. À 13h, la rediffusion de mon spécial musical hier sur 8-Bit Weapon dans le Mathieu Plante Show. Et puis, à 19h, ce sera Denis Baudin et son équipe avec Très Blues assez fou. Oui, ça ressemble à ça, ça pas mal. Ça ressemble à ça pour la journée d'aujourd'hui. C'est fou.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On se dit à demain, 7h. Bye, bye, bye. Bye. Bon café. Oui. Bon café, tout le monde. Petite gorgée de bière encore.